Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. Alexandra Carignan nous met au parfum des arts, le temps d'une culture. On parle politique avec François Landry. Et on essaie de ne pas être trop vulgaire dans C'est un fait kinky sexy time edition. Assemblage requis commence maintenant. De bras, craquage de coups, bon matin. Bienvenue à Assemblage Records ce jeudi 11 octobre 2012. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, c'est François Olivier. On est en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières. Et ce matin, il faut se pomper un peu parce qu'on a un plan rempli. J'aime pas vraiment cette expression-là, Mathieu. Non? Ah, pourtant. Faut se pomper ce matin. Oh, OK. Ah, ouais. Bizarre. C'est pas aller avec la chronique, c'est un fait qui est sexy. Ah, ouais, c'est ça, exact. Tu t'es bien rattrapé. Merci. Donc, on fera ça en début d'émission si on veut parler du plan d'aujourd'hui. Kinky Sexy Time, donc des faits tellement osés que ça passe à peine à la radio. Mais c'est pas vulgaire. Non, on se retient. Bon, on se retient. Quand on pompe. Ensuite, on va faire 5 Smith, ça devrait pas, on l'a. Donc, un combiné de doublons de chroniques de Mathieu Plante aujourd'hui. Et d'ailleurs, dans 5 Smith, ça devrait pas, on l'a. On a quelques petits gadgets Kinky Sexy aussi. Donc, vraiment, c'est un thème dans l'émission d'aujourd'hui. Jusqu'à 8 heures. Jusqu'à 8 heures. Après ça, ça arrête, tu sais. Jusqu'après ça, ben à 8 heures, Mathieu, on reçoit une dame qui vient nous parler d'un 5 à 7 tapas pour justement, en fait, avec en lien avec la démarche des premiers quartiers. La dame s'appelle Marie-Pierre Martineau-Bouchard. Donc, voilà. Ça va être vers les 8 heures. Parfait. Juste après, on aura Alexandre Carignan et sa chronique Le temps d'une culture. Le temps d'une culture. Oui. Et puis à 8h30, François Landry avec sa chronique politique, Logocratie 101. Voilà. Alexandra, le temps de culture, là, c'est évidemment une chronique sur les arts et spectacles culture. Oh, ouais, exact. C'est pas une chronique sur la culture dans les yogourts, là, mettons. Non, la culture probiotique. Ben, c'est ce que j'ai pensé. on pensait à des noms de chroniques, là. On a pensé à culture probiotique. Ouais. Non, pas vraiment. Non. J'en avais des pas mal meilleurs que ça. Mais pro, ça cadre bien. Oui. Pour sa chronique. Oui. Elle est très pro. C'est ça. Alexandra, oui. Mm-hmm. Exact. Culture bactériologique. Bactériologique. Bon. Non. Bon. Tu vois, le temps d'une culture, c'est très beau. Ouais. Très, très beau. On va garder ça comme ça. Donc voilà pour le plan d'émission d'aujourd'hui. On va débuter avec Band of Skulls. Voici You're Not Pretty, but You Got It Going On. Hein? Ça commence bien l'émission sexy, ça. Oh. Le toc toc toc à la porte, c'est livré à la pizza. À matin? Pas d'argent pour te payer, tu sais, non? Non, on parle d'un porno. Straight, but tonight is not so long. Remplir nos têtes de n'oubli dans sous les stroboscopes. Faut se rendre à l'évidence sous les stroboscopes. Petite nuit et au bimar sous les stroboscopes. Plutôt l'excès que l'abstinence sous les stroboscopes. Abattant finesse et finance sous les stroboscopes. Remplir nos têtes de n'oubli dans sous les stroboscopes. Plus d'incidence que de science sous les stroboscopes. Dans sous les stroboscopes. Dans sous les stroboscopes. Nos vies dansent sous les stroboscopes. Totalement libres sans qu'on y pense sous les stroboscopes. Ni mensonge ni manigance sous les stroboscopes. Chacun sourit si son lit danse sous les stroboscopes. Dans nos têtes la délivrance sous les stroboscopes. Entre exutoire et obligeance sous les stroboscopes. Remplir nos têtes de n'oubli dansent sous les stroboscopes. Ah oui c'est sûr que nos vies dansent sous les stroboscopes. Dansent sous les stroboscopes. Black white, black white, black white, black white. So fun until you turn on the lights. Do you get inspired by nights? You can't play back at the by the facts. Your best friend lays down of how people react. You gotta learn to close your eyes and turn the page. Take a step forward and dispose of yesterday. So do me a favor, take notes and cut the ropes. Welcome to living life under the stroboscope. Nos envies dansent sous les stroboscopes. Remplir nos têtes de n'oubli. Remplir nos têtes de n'oubli. Dansent sous les stroboscopes. Abattant finesse et finance sous les stroboscopes. Tous tirant dans la tyrance sous les stroboscopes. Danse sous les stroboscopes. Danse sous les stroboscopes. Face to face. Danse sous les stroboscopes. Until you ride the slope. Danse sous les stroboscopes. Say what? Allez danse. C'était Alex Nevsky, la pièce Sous les stroboscopes à Assemblage requis. Avant ça, on a entendu une pièce de Band of Skulls. You're not pretty, but you got it going on. But you got it going on. Tu l'avais bien, on dirait que c'était fast-forwardé ton affaire. Ça avait l'air vrai. Donc maintenant, parlons de choses qui ont l'air vraies. Oui. Dans le pantalon. Voici, c'est un fake kinky sexy time edition. C'est un fait, c'est normalement la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables, mais quand c'est kinky sexy time, ben, ça commence par un vœu, mais c'est pas ni véridique, ni véritable, ni vérifiable. C'est, non. C'est autre chose, on se comprend là-dessus. Commençons avec... on sera pas trop vulgaire, on vous avertit d'avance. C'est un fait, c'est rarement trop vulgaire. On sort. Ouais. Donc, les physiciens performaient des vasectomies, c'est l'acte de la stérilisation. Performaient. Ouais. Des vasectomies. Vasectomies. En 1600... en Angleterre. Donc, ça a commencé très, très tôt, les vasectomies. En tout cas, il y a très longtemps. Voilà. C'est bien. Les condoms ont été inventés comme façon d'empêcher les maladies transmises sexuellement et non pas pour contrôler les naissances ou pour, tu sais, ne pas tomber enceinte. À la base, c'était vraiment pour les maladies. À la base. Pendant l'ère victorienne, l'âge légal de consentement dans 25 États américains était de 10 ans. Ah, 10 ans. Jusqu'au milieu des années 1600, on croyait que de petits humains existaient dans le liquide, le jus de garçon, comme on appelle, et que ça avait juste besoin d'une place où grandir, ces petits humains-là. Donc, on pensait vraiment que c'était des petits humains, tu sais, ouais, avec une bouche, puis blablabla, dans le jus de garçon. Et même, c'était pas ça. Selon une étude du gagnant du prix Nobel de la paix, Chris McManus, le côté droit du sac est plus élevé à gauche chez la plupart des hommes. Donc le sac est plus élevé à gauche. Le sac est pas égal. Le sac est pas égal. Bon. C'est pas pareil de chaque bord. Les humains et les dauphins sont les seules espèces qui ont des relations sexuelles pour le plaisir. OK. Les humains et les dauphins. Les dauphins, là, tu devrais voir aller ça. Ah, ouais, ils ont du fun? Ils ont du petit jus de dauphin. Tu penses-tu de la couette, eux autres? C'est ça. Il y a un festival de films à New York qui est dévoué aux films kinky. Ça s'appelle Ciné Kink. Aux films de fesses? Films de fesses, des affaires osées, là. Moi, j'ai toujours trouvé ça très, très stupide, des scénarios. Oui, ben, c'est ça. C'est assez... écoute, rudimentaire. Ton préféré, c'est quoi, mettons? Ben, écoute, non, je sais pas. Un que t'as retenu, mettons. Ben, un j'ai retenu. écoute, je suis tombé là-dessus par hasard, là, s'il vous plaît, croyez-moi. À Bleu Nuit, d'ailleurs? Non, même pas, c'est... Au club vidéo? Non, c'est Samantha Ardant. OK. Sur Internet. Professeur, ouais, j'ai essayé d'aller voir mes courriels, puis je suis tombé là-dessus. Ben oui. Puis, écoute, c'est hallucinant, là. C'est... écoute, scénario zéro, puis une barre, là, moins 12. C'est ouais. Incroyable. C'était chaud, on pourrait dire qu'elle était cuite. Ardente. Ardent. Al dente. Ouais. On la comprend. Oh oui. Okay. On le connaît, Mathieu. Des cours de Slaver Size. Ça, c'est Slaver Size. C'est la combinaison de slave, esclave, okay, et exercice. Slaver Size sont disponibles à New York City. Et c'est une forme de fitness, de workout, mais avec du sadomaso intégré. Slaver Size. Ah. Ça fait bizarre un peu. Ça se fait à deux, j'imagine? J'imagine au moins. Mais fait fouetter en faisant des push-ups, puis t'es supposé aimer ça. Ouais. Le mot esclave, je sais pas s'il fit bien dans ce mot-là. T'sais, esclave, c'est, pour moi, c'est pas quelque chose de bon, là. Ouais, mais tu sais, dans Sadomado, il y en a un qui... Sadomado, hein, ça, c'est quand tu fais fessé par Mado la main. Ouais, Sadomado, en fait, il y en a un qui est comme maître, puis ouais, l'autre obéit, si t'oublies pas. Dominatrix, là. T'as des claques, c'est foufoune. Oh, c'est foufoune. Il y a des claques, c'est foufoune qui se perdent. 5 à 10% des Américains, justement, se font du sadomaso. 5 à 10% des gens sont intéressés par le S&M. S&M, c'est... sadomaso. OK. Ça c'est le nouveau abréviation? Non, ça a toujours été ça. Oh. Sado, ben en anglais, okay. S et M, sado et maso. Ouais, mais bon. 56% des divorces proviennent du fait que le partenaire ou la partenaire est intéressé obsessivement par la pornographie. 56? Selon une étude. 56%. C'est énorme, c'est plus de la moitié. Ouais, ben c'est un petit peu plus de la moitié. Voilà. La pornographie, d'ailleurs, c'est une entreprise, une business qui vaut 57 milliards de dollars dans le monde. 57 milliards de dollars. C'est beaucoup. C'est de l'argent. D'ailleurs, et pas du tout d'ailleurs, enlevez ce mot-là, délit. La vente d'objets sexuels et de vibrateurs est bannie en Alabama et au Mississippi. Pas vrai? Ouais. Je pense qu'il l'avait déjà dit, celle-là. Je pense que oui. Et le d'ailleurs fitait, finalement. Ouais. Si on pense que dans la porn, j'imagine que ça doit inclure les objets, les jouets. Le sperme contient du zinc. Zinc, est-ce que c'est du fer, je crois, en français? Mais en tout cas, et du calcium. Et les deux, c'est prouvé, empêchent les caries. En tout cas, des problèmes de dedans, apparemment. Vous voyez ce que ça veut dire. Ouais. Celui-là, je ne sais pas comment le censurer, là, mais l'orifice de paranargère, hein, a plus de nerfs que n'importe quelle autre partie du corps. Donc, c'est ce qui est le plus sensible du corps. C'est l'orifice là, de background, backside. En arrière, c'est en arrière, ça se passe. C'est ça. Dans des cas très rares, les crampes menstruelles peuvent causer l'orgasme. Hein? Donc, c'est ça. Ça peut valoir la peine d'être dit. Lorsqu'il a rien sur son chemin ou d'un jambe, littéralement. D'un jambe. D'un jambe. Si rien d'un jambe, qu'est-ce qui se passe? C'est l'engin masculin peut tirer jusqu'à 12, entre 12 et 24 pouces par là-bas. Quand tu... ça fait 12 à 24 ping, pouces. Ça part comme une balle à fusil. Ping-pong, ping-pong. J'aime bien tes sons. Merci. Tableau, on va toujours dire, ah, il fait exactement ce son-là. Ouais, c'est ça, c'est l'ordre. Hier, on écoutait un épisode d'une émission de télé où le principe, le punchline de l'épisode, c'est que le gars au lit, il faisait comme wouf, wouf, wouf, wouf, wouf. Comme pour encourager les équipes sportives. Ouais, là, c'est ça. Hein? Qui sort le seigneur. Puis à la fin, c'était. Maintenant. Eh bien. Les hommes et les femmes peuvent tous les deux être allergiques au sperme. Ça, tu vois, je savais pas ça. Même, tu sais, le sperme qui vient de toi-même, tu peux être allergique à ça. Ouais. Étrange. Pas plaisant, ben. En Nouvelle-Angleterre, au 18e siècle, ce qu'on appelait le bundling. Tu sais, bundling. C'était lorsque des couples qui n'étaient pas mariés pouvaient coucher dans le même lit. Mais tout habillé. Ah ouais? Pour okay. Se réchauffer. Ah, ça, c'était légal. Ouais. Et aujourd'hui, bundling, il fallait dormir. Il fallait dormir, c'est ça. Et aujourd'hui, bundling, c'est évidemment prendre Internet, la télé puis le téléphone. C'est un bundle. Un bundle. De... C'est ça qu'il faut. C'est bien pareil. Toujours en Nouvelle-Angleterre, pendant les années 1700, les couples qui n'étaient pas mariés et qui se faisaient prendre en train de faire des de la fornication, tu sais, Forniquer, là. Pouvaient être fouettés, avoir une contravention ou les deux. Quand t'es pas marié. Il y avait une loi qui faisait que c'était illégal d'utiliser le service postal américain, le USPS, là, pour distribuer des appareils contraceptifs. C'était illégal. Et ben. Une étude en Hollande dit que les adolescents qui écoutent de la musique forte, okay, dans leurs écouteurs, dans un lecteur MP3, c'est précis, ont plus de chances d'avoir des relations sexuelles non protégées. C'est vraiment une étude pour ça. Donc, c'est les adolescents qui écoutent de la musique forte dans des écouteurs, dans le lecteur MP3. Eh bien. Les études ont prouvé que c'est plus difficile de dire un mensonge qui est convaincant à une personne si tu la trouves attirante sexuellement. OK? Donc, vous allez le savoir, il va falloir faire plus attention quand vous mentez. La tarte à la citrouille, les beignes, le chocolat et la réglisse sont des senteurs, des odeurs que lorsque senties ou respirées par un homme peuvent augmenter le sang qui se rend à son engin. C'est des pas comme des aphrodisiaques masculins, si on veut. Ça fait qu'il y a plus de sang qui s'en va là. Puis, tu sais, du sang, c'est ce qui fait que... Ouais, ça devient dur. Hard as a rock! Eh bien. Les manufacturiers et compagnies qui fabriquent des condoms disent que seulement 6% de la population masculine, mâle, a vraiment besoin de condoms extra super size, magnum. Le reste ne font que mentir. Donc, 6%. Je sais qu'on a déjà parlé de ce genre de fait-là, mais là, on a le pourcentage... Selon l'étude. Ça, c'est les compagnies de condoms qui disent ça, donc 6%. Et c'est vrai, c'est vérifié. C'est vérifié. Les dauphins mâles, mâles, des fois vont séparer les femelles de leur famille et vont leur refuser toute nourriture jusqu'à ce qu'elles veuillent bien avoir des relations avec eux. Les dauphins, c'est des manipulateurs, toi. Oui, toute la gang. Ça peut pas, ça. Les cochons ont des orgasmes qui peuvent durer jusqu'à 30 minutes. Et les cochons? Maudit cochon, toi! Maudit cochon, ça vient peut-être de... Ça vient, sûrement. Pas mal. Plus de 9 milliards de condoms sont utilisés dans le monde, à travers le monde, pendant une année. 9 milliards de condoms. 9 milliards. 9 milliards. La recherche du langage corporel, OK, ils ont fait des recherches là-dessus, ça suggère que lorsqu'une femme croise les jambes pendant une conversation, tu sais, les jambes une par-dessus l'autre, se croise les jambes, ça veut dire qu'elle n'est probablement pas intéressée. Ouais, un signe de fermeture. C'est ça, comme croiser les bras. Ouais, c'est ça exactement. Comme les rappers, là, quand ils croisent les bras, ils sont fermés. Nous autres aussi, on est bien fermés. À ça. Playboy, ça, je crois que je l'ai déjà parlé, mais je suis pas sûr. Des fois, il y en a tellement. Playboy a un magazine spécifiquement fait pour les aveugles. Pour vrai? C'est vrai. Ah! J'aimerais avoir un exemple de ça. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu penses qu'ils prennent les top modèles, tu sais, puis qu'ils dessinent avec des petits points? Genre, peut-être aussi, parce que j'imagine que c'est principalement les articles là, qui sont en braille. Mais est-ce que les photos, est-ce que tu peux avoir une idée de... Ils doivent le décrire en braille. Là. Peut-être, ça doit être ça. Et finalement, on dit que le sexe est plus efficace pour t'endormir qu'une pilule pour le sommeil. Somnifère. C'est plus puissant, selon une étude. Je sais pas, ça doit prendre moins de temps, ou peut-être que tu dors après. C'est assez instantané. Pas mal, hein? Est-ce que tu fumes après ces cigarettes? Non. Je sais pas s'il y a des études là-dessus. Non. Si on fume plus de cigarettes après les... Ouais. Mais c'est beau. Voilà pour Kinky Sexy Time Edition de C'est un fait. On va rester dans la même veine plus tard dans l'émission. Dans la veine qui amène le sang jusqu'à l'engin. Avec Sex Smith, ça devrait répondre. Là, on a deux petits gadgets sexuels tout à l'heure à faire. Le reste ne sera pas du tout sexuel. Pour l'instant, on écoute The Ludies sur leur album Edgy Ground. Voici The Jugglers, une nouvelle entrée du palmarès anglophone et c'est fantastiquement bon, François. Yay! Keeping me awake. It's the house telling you to close your eyes. And some things I can't even trust myself. It's killing me to see this way. Cause though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to the shore. Hey! We'll tell her that I miss our little talks. Soon it will be over and buried with our past. We used to play outside when we were young and full of life and full of love. Some days I don't know if I am wrong or right. Your mind is playing tricks on you, my dear. Cause though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore. Don't listen to a word I say. The screams all sound the same. Though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore. You're gone, gone, gone away. I watched you disappear. All that's left is a ghost of you. Now we're torn, torn, torn apart. There's nothing we can do. Just let me go, we'll meet again soon. Now wait. We'll carry our bodies safe to shore. Though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore. Of Monsters and Men. C'est bien. C'est fini. C'est très bon. Oui, et c'est donc bien bon, cette chanson-là. Voyons c'est fou, hein? C'est quoi? C'est pas acceptable de musique bonne de même. Voyons. Et puis, Danny, hier, dans l'émission du Netcon, il disait qu'il allait être au festival M pour Montréal. Oui. Est-ce que c'est dans cette pub-là qu'on utilise cette chanson-là? Parce que non, c'est une pub de la barrique. Ah, ben d'accord, d'accord. Une pub de la barrique. Un très bon choix de... C'est formidable, en fait, cette chanson-là, sérieusement. Là. Ça va être un gros hit. Ouais, on aime ça. Tout à l'heure, on fera la chronique 5 semaines, ça devrait pas, on l'a, on va se créer des besoins. On a aussi, plus tard dans l'émission, un invité spécial. Oui, exactement. On va parler de la démarche des premiers quartiers. Donc, on va couvrir, on va inviter les gens, en fait, à participer à un 5 à 7 tapas. Ça va se dérouler à l'Auberge internationale Radisson. Super, mais donc, on va parler tout le long de l'émission. T'as pas idée comment on va... parler tout le long des tapas. Donc, pendant qu'on a encore le temps, on écoute du Biohazard. Voici Skyfish sur le palmarès francophone. C'est fou. savez quelle heure, non? Minuit. Merci, mon brave. Bon. Où en étais-je? Ah oui. Je vous conseille de prendre votre argent de votre carte de crédit, le transférer vers votre marge. Comme ça, ça va libérer de la place sur votre carte de crédit pour pouvoir faire des achats dans 5 semaines, ça répond là. Tu mets le plus. On va arranger ça, nous autres. Envoyez ça dans un compte en banque en Suisse. Non, pas de trouble. Mais ça, c'est la carte de crédit. C'est ça. Oui, comme tout le monde fait ça. Hein, Tu paieras un moment donné. Comment? Tu paieras un moment donné. Un moment donné? Un moment donné. Quand? Mais que tu reçoives ton compte. D'ici à la prochaine chronique, ça existe, mais ça répond là. Ouais, ouais. Parce qu'à chaque semaine, il y en a d'autres. C'est vrai. Revenez nous voir, voir. Rassemblage qui pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou 89 ans. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous écoutez Assemblage requis jusqu'à 9 heures. Toujours avec François-Olivier Marchand et Mathieu Plante, il est 7h38 minutes. Tout à fait. Tic-toc, tic-toc, tic-toc. Le temps avance vite ce matin. Oui, mais le temps passe vite, mais en même temps, en bonne compagnie, mais en même temps, on se sent sexy un matin. On se sent sexy. Fait que le temps est toujours... Tu te sens peut-être sexy ce matin, Mathieu. Tout à fait. Le temps arrête dans ce temps-là. Tu sais, quand on est proche, quand on est comme dans une... Collé-collé. C'est ça? Collé-collé. Eh boy. Le studio est petit, c'est ça qu'on va dire. Ouais, voici, ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a. Ça existe, mais ça ne devrait pas. Là, c'est la chronique où on se résout des problèmes, on se crée des besoins, tout ça ensemble. Tu sais, ces deux raisons d'être là, de la chronique sont elles aussi collées-collées. Collées-collées. Inséparables. Voilà. Commençons avec deux affaires assez sexy. On commence avec Love Pals. C'est ce qu'on appelle la technologie du télé-dildonics. Qu'est-ce qu'il y a dans le mot télé-dildonics? Dildo? Peut-être. Peut-être. Je pensais pas dire ce mot-là ce matin. Non, hein, c'est ça. Tu peux le dire plusieurs fois parce que ça va avoir du sens cette fois-ci. Alors que quand tu dis n'importe quand, dildo! Marche pas, ça l'air un peu fou. Donc, si vous cherchez une façon de vivre une relation à distance, mais tout en ayant l'impression d'être un petit peu plus proche d'autres personnes, il vous faut Love Pals. Donc, c'est la façon que ça fonctionne. Et là, j'irai pas trop dans les détails, mais t'as deux parties à ça. T'as une partie tuyau, tube. C'est quoi ça, un tube? Ouais, non, on se doute à quoi ça sert. C'est ça. Et l'autre côté, ben c'est une affaire qui... c'est aussi un tube, mais comme plus rond et plus affiné. Si, ben pas affiné, parce que ça serait déplaisant. Hein. Courbé. Qui va... Okay. Mais l'autre, c'est pour mettre dedans, puis l'autre, c'est pour mettre dedans l'autre bord. Ah, tu sais, le gars fait une affaire dans un, puis l'autre fille fait l'affaire dans l'autre. On se comprend là-dessus? Ouais. Et tu mets ça en paire avec ton téléphone cellulaire via Bluetooth. Oui, oui, chacun de son bord, dans une ville complètement différente, n'importe quoi. Chacun met ça, pair ça avec Bluetooth sur son téléphone cellulaire. Et quand la personne s'insère dans la partie... comment est-ce qu'on dit? Obtus? En tout cas, la partie ERA. Et l'autre personne qui met son affaire dans ce qu'on appelle la partie Zeus. Et puis, ils font du va-et-vient et ça réciproque le mouvement dans l'autre appareil. Chaque mouvement est reproduit. Tout ça pour 95$ la paire. Donc, les deux appareils viennent ensemble. C'est un Kickstarter en ce moment. Donc, ils demandent de l'argent. Allons voir si, si c'est rendu à son... Est-ce que tu vas faire un don? Il reste 38 jours. 3569 commandes jusqu'à maintenant. Ça dit pas si c'est rendu. Je crois pas. En tout cas, mais si tu si tu commandes maintenant et qu'ils se rendent à leur but, tu vas pouvoir faire mettre un numéro de série et un nom personnalisé sur le corps de l'appareil. C'est beau. Hein? Donc, Zeus pour les hommes, ça va coûter 50$ si vous l'achetez tout seul. 50$ pour le Hera pour la femme. Une paire Zeus et Hera, 95$. Et puis, vous avez une version dorée 24 carats. Limité à 10 paires, il en reste 6, ça coûte 10 000 $ Donc, toutes les 4 personnes ont acheté des versions dorées. Malade. C'est super. Allez voir la vidéo juste pour vous amuser un petit peu. Eh boy. Toujours dans le domaine de la sexualité ici, là. En Chine, tu sais, quand tu veux faire extraire ton, ton sperme, OK, pour peut-être le mettre. Tu veux le faire extraire? Peut-être pour, je sais pas, peut-être que, je sais pas, mettons, ta copine peut pas avoir d'enfant, il faut que t'aies une mère porteuse. OK, OK, sais, OK, des, ouais. Des trucs comme ça. Ouais. Donc, t'as besoin de faire extraire ton sperme. Okay. Et on utilise ça à l'hôpital Zhengzhou Central Hospital en Chine. Ça peut être utilisé pour des dons, mais en même temps, ça peut être ils disent que c'est pour traiter l'infertilité, leur but premier. Et ça va coûter vraiment pas si cher que ça pour un appareil qui est, dans le fond, pour les hôpitaux. Ça vaut 2 800. Pour le domaine médical, c'est vraiment pas cher. Donc, des gens dans le domaine juste familier de tous les jours pourraient aussi peut-être se le permettre. Je sais pas qu'est-ce qu'ils feraient avec ça dans le domaine pas médical. Là. Mais quand même, ça existe, mais ça devrait peut-être pas. En fait, dans ce cas-ci, ça pourrait. Ça pourrait facilement exister. Ouais. C'est une bonne affaire. Ensuite, t'as un iPhone, mais t'as de la misère à tout le temps t'sais, entourer tes écouteurs après, puis ça tient jamais, puis tout ça, puis il te manque de petits gadgets, il te manque tout le temps ta clé USB, t'as à perdre tout le temps. Donc, il te faut le Ready Case, qui est un genre de couteau de l'armée suisse pour ton iPhone. C'est un étui, donc tu mets ton iPhone dedans. Tu peux entourer tes écouteurs et il y a un snap qui va tenir le fil. T'as aussi un lecteur USB intégré, donc qui se tient après le truc et tu peux l'enlever. Et c'est une clé de 8 ou de 16 gigs. T'as un kickstand, donc pour tenir ton iPhone debout, pour garder un film. C'est intégré dans l'étui. T'as un outil multiple qui a une lame standard, une lame lacérée. Est-ce que c'est ça avec des dents? Acérées, ouais. En tout cas. Un tournevis tête plate, un ouvre-bouteille et ça vient en noir ou en argent. Donc c'est le Ready Case. 7 fonctions en une seule. C'est très cool. On aime bien ça. Oh ouais, c'est cool. Ensuite, prochain problème. T'arrives à la maison, François. T'as débarré la porte avec ta clé. Ouais. Mais là, il faut que tu prennes tes clés avec l'anneau, tu mets ça sur un crochet, ou bien que tu lances ça sur la table, ou tu mets ça dans ta sacoche pour homme, tu sais. Hey, ça, c'est un gros problème. C'est un gros problème. Ça, j'avoue, là, écoute, là. Sûr. Je pogne de quoi, moi. Fait que toi, t'aimerais ça pouvoir, mettons, t'es en train d'ouvrir ta porte avec ta clé. OK? Tu débarres. Là, t'as le mouvement, t'as la clé dans les mains, là. Tu déplaces ton bras, tu la mets dans un trou. Dans le mur. Que t'accroches au mur. Et tu. C'est ça, ça pogne ta clé. C'est comme une affaire de plastique que t'installes sur ton mur. C'est une petite maison. Petite maison à clé. C'est vraiment une bonne idée, hey, ça. Ça, c'est cool. Ben oui, puis en plus, il y a. Combien? Trois paiements de 30$? Sûrement pas. 19$ sur Amazon.com. C'est en effet en forme de petite maison. Petite maison. Il y a un aimant dedans pour garder les clés vraiment en place. C'est pas une vraie serrure, il n'y a pas de dedans. Là. Et en fait, ça t'en prend deux. Un pour toi, un pour ta copine. Oui, exact. Donc, deux petites maisons. Peut-être 40$ en peindre une bleue. Puis une petite rose, non? Ouais. Ouais. 40$, pas cher. Ben. Ben. Ben. C'est vrai. C'est vrai. T'es cheap, t'es cheap. Ouais, c'est moi qui l'ai tué. Voyons donc. Tu veux envoyer une lettre. Tu sais, une lettre, ça fait rétro. On aime ça, tu sais. Ouais. Donc, c'est rendu rare. C'est rendu rare, en effet. Mais si vous voulez rendre ça un petit peu plus cute, un petit peu plus fun, envoyez un avion par la poste. C'est ce qu'on appelle Sock UK Postcard Aeroplane. C'est un avion fait de bois et t'as une carte postale sur laquelle tu peux écrire. Et là, tu défais les morceaux. C'est comme il y a des genres de pointillés ou je sais pas quoi. Tu pèses là-dessus, ça s'enlève. Puis là, ben, t'as un petit avion, tu peux mettre le mot, le glisser dans la fente au milieu de l'avion. Ça fait les ailes de l'avion. Puis après ça, ça se rend pas parce que ça va pas assez loin. Faut-tu y remettre en main propre, j'imagine? Non. Et ça, combien ça coûte? Tu me demandes 5,71$ pour... est-ce que c'est pour juste un avion? C'est un peu cher, ça. Un peu cher. Mais c'est fait de bois, donc, quand même. Ouais. Tu sais, dans la vie, il n'y a pas assez de gadgets de Angry Birds, hein? Il n'y en a pas assez. Tu vois pas comme 20 toutous différents dans tous les magasins de ces temps-ci. Donc, ils sortent plusieurs nouveaux jeux basés sur Angry Birds pendant que ça fonctionne encore. Et là, ils mélangent Angry Birds et Star Wars. Et là, c'est disponible en précommande maintenant. Donc, il va y avoir Star Wars Angry Birds Jenga Death Star. Star Wars Angry Birds Attack Battle Game et Star Wars Angry Birds Figure Pack. Ça, c'est des figurines et des costumes aussi avec des nouveaux personnages et de nouveaux jouets de pluche. Donc oui, c'est peut-être beaucoup, mais quand même, c'est différent. Un jeu de Angry Birds avec un petit... je pense, est-ce qu'il y a vraiment un slingshot? Parce que ça, c'est je pense que oui, je pense que oui. Le jeu de Jenga, ça doit être à peu près ça. Je sais pas, on n'a pas de photos des jeux en tant que tels. C'est plus des boîtes qu'on voit. Mais bon, quand même, vous allez voir ça en magasin bientôt. Il y a même des costumes d'Halloween. Hein? Ah, j'ai vu ça à la fin, oui. Ouais. Ça, ça peut être cool, par contre. C'est ouais. beau. Des exemples, petit cochon qui porte un masque de Darth Vader. Là. C'est le fun. Ouais. Ensuite, tu vis en appartement, t'es un étudiant pauvre ou cheap, comme toi. Ou les deux. Ou les deux. T'as besoin d'un appareil qui combine plusieurs choses en même temps. On a déjà parlé un petit peu, on a déjà eu un gadget qui ressemblait à ça, mais celui-là a l'air particulièrement cool. C'est le designer Jean de Beauvry qui a inventé ce cube-là de 20 cm ou 7,7 pouces qui peut s'empiler. Donc vraiment, c'est des genres de petits cubes. Il y a un grille-pain, une chose pour faire du jus avec des fruits, une cafetière et une chose pour faire du thé ou de l'eau chaude. C'est fait pour les célibataires, etc. etc. $52 par appareil. Donc là, sur la photo, okay, sur ouais, l'article, il y en a 4. Donc c'est $200. Quand même pas mal cher. C'est pas super, par exemple. Non, c'est ça l'idée. T'as pas de comptoir, mettons. Juste pour la place que tu sauves avec ça. Là. Oh, ouais. Si c'est des affaires de qualité, là, moi, en tout cas... Ouais, c'est ça. Je trouve à savoir si... C'est ça. $52 par appareil, il y en a qui valent plus que ça. Mais c'est pas pire. Ensuite, tiens... on parlait de sexe, j'aurais pu le mettre au début de la chronique, j'étais juste pas rendu compte. C'est une souris qui est aussi un appareil qui vibre. Vous en faites ce que vous voulez, mais vous ça vibre. Vous le mettez où vous voulez. C'est ça. 10 niveaux de vibration, 2 patterns de vibration, c'est les différents rythmes. Là. C'est fait pour soulager le stress. Donc, t'es supposé, ça s'appelle la Massager Mouse, t'es supposé l'utiliser et la faire vibrer pendant que tu t'en sers, j'imagine. Okay. Pour relâcher ton stress, mais ça peut relâcher du stress à plein d'endroits. donc voilà, quel prix? Ah, la page, quoi, ne fonctionne pas en ce moment, attention. Pas de prix, dommage. Ensuite, ça c'est vraiment le fun. T'es pas à la maison et tu te rends compte que t'as pas barré ta porte. Ok? T'sais, mettons. Où tu veux, où t'as un ami qui s'en vient chez toi chercher quelque chose et tu veux lui débarrer la porte à distance. Donc, Lockitron, c'est un gadget qui s'installe par-dessus votre loquet à l'intérieur de la maison. Tu sais, à l'intérieur de la porte, un petit catch qui appelle ouais. Pour fermer la porte. Donc, t'installes ça là-dessus. C'est fait pour s'adapter à plusieurs formes. Et puis, à distance, avec une application sur ton téléphone, tu peux ouvrir et fermer le catch. La barrée ou la débarrée. Exact. Donc, ça fonctionne sur iPhone 4S et 5. Ça a Bluetooth 4.0. Et puis, il y a aussi une affaire de détecteur de proximité. Quand tu arrives près de ta porte, toi-même, avec ton téléphone... Elle se débarre toute seule. C'est cool, par exemple. C'est très, très cool. J'adore ça. C'est connecté par Wi-Fi en permanence dans votre maison, ce qui permet l'opération à distance. Donc, plein de possibilités. Par exemple, mettons, tes enfants ont oublié leur clé ou vraiment, les solutions sont sans fin. Ça fonctionne avec 2 piles 2A, ce qui dure environ 1 an. Et t'as une alerte quand tu commences à manquer de batterie. Et ça coûte $149 en précommande. Ça va se vendre pour $200 une fois que ce sera disponible l'année prochaine. C'est cool. Et t'as même une alerte qui t'avertit quand quelqu'un cogne à la porte. Oh oui, ça, c'est le fun. T'as un genre d'alerte sur ton iPhone, un peu comme un message texte. Si quelqu'un cogne à la porte, tu le vois, tu t'en vas répondre. C'est très bien. C'est un manoir, mettons, puis t'entends pas la porte cogner. Ça ou fait... l'été, comme chez nous, avec 2-3 heures climatisées en même temps. On n'entend pas la porte cogner. Ensuite, t'aimes ça les horloges, je trouve ça cute, mais c'est pas assez bricolage pour toi. T'es plus bricoleur dans l'âme. Ouais. Il te faut une horloge origami. Donc, c'est une horloge qui se plie et se déplie, mais en fait, c'est comme un genre de je crois que c'est du papier qu'il y a dessus, mais c'est un petit peu dur à expliquer. Là, ça ressemble un petit peu à un drapeau. Qui serait genre sur une aiguille et puis l'autre, le même carton est comme attaché à l'autre aiguille et puis ça fait que quand le temps file le cercle de carton se déplie et se replie exactement sur lui-même. Donc c'est vraiment mignon. J'ai de la difficulté à voir comment ça fonctionne en tant que tel parce qu'il n'y a pas de vidéo, mais c'est cool. C'est fait de polyéthylène et l'arrière-plan est rose et d'un côté est rose avec des petits points sur un fond jaune là. De l'autre côté. Donc, c'est joli. La couleur, peut-être que ça pourrait être au choix à place. C'est mieux. C'est bon. Quand même. Ensuite, tu trouves que ta vie est trop occupée. La fin de semaine, tu veux pas avoir à recevoir des messages textes, des téléphones, des courriels. Tu sais, sur ton téléphone du travail, mettons. Ouais. Donc, il te faut Blocket Signal Jammer Pouch. qui te permet de complètement bloquer les ondes. C'est un bloqueur de RFID. Là, ça, c'est les ondes du téléphone. Ça bloque les fréquences radio jusqu'à 99,7%. Ça pourrait être pratique quand tu veux prendre une pause. Tu peux aussi mettre ton passeport et un paquet d'affaires dedans, des cartes d'identité, des informations personnelles. Évidemment, tu peux aussi juste mettre ton téléphone en mode avion. Ça, je pense que tout le monde sait faire ça dans les... Sur la plupart des téléphones, même l'iPhone, tu cliques sur mode avion, tu fais activer puis ça déconnecte tout le réseau au complet pour que tu aies juste tes jeux. Mais ça s'appelle Blockhead Signal Jammer si vous voulez juste mettre ça dans une poche et dessus c'est marqué au revoir téléphone, bonjour monde, goodbye phone, hello world, c'est joli. Ça coûte 25$ chez ThinkGeek, c'est un beau petit tissu, c'est quand même, ça a l'air professionnel. Ouais, ça a l'air pas pire. Ensuite, t'aimerais ça pouvoir prendre une petite sieste une fois de temps en temps? T'sais. Ouais, mais peut-être pas avec cet oreiller-là. Peut-être que tu vas avoir l'air fou un peu, mais ça au moins, va, ouais. Tu verras pas les gens te juger parce que tu vas te cacher la face là-dedans. Ça s'appelle l'oreiller Ostrich Pillow. Et c'est vraiment un genre de capuche que tu te mets sur la tête et il y a deux trous sur les côtés pour mettre tes mains pour que tu puisses t'accoter dessus. Et ta tête est elle-même donc dans un oreiller coussiné. Et t'as la tête par en bas sur ton bureau avec les deux bras dedans, en dessous de ta tête. T'es caché de tout le monde et t'as l'air d'une autruche enterrée dans le sol. C'est un plan Kickstarter en ce moment. Et puis... aux dernières nouvelles, ils étaient à la moitié de leur but. Tellement les gens en parlent sur Internet. D'ailleurs, allez voir la vidéo si ça vous intéresse. Ils ont sûrement dépassé leur but. Ouais, ça, ils l'ont dépassé depuis longtemps. Ils sont à 159 000 sur 70 000. Déjà 1617 personnes qui l'ont précommandé. Ou en tout cas, ça, c'est ça le problème avec le Kickstarter. C'est que même s'ils dépassent leur but, il y a des produits qui finissent par jamais se faire faire. Donc, en tout cas, mais bon, allez voir ça. C'est très intéressant. Alors ça, c'est le fun. Si tu veux, j'allais pas dire que c'est le fun, mais surtout le fun. Tu veux retrouver ton chemin, mais tu te perds facilement. C'est les souliers « There's no place like home », un peu comme dans le machin d'Oz où tu peux claquer des talons pour revenir à la maison. Hmm. Donc, il y a un GPS dans un des deux souliers. Tu le programmes avec un système qui est fait juste pour ces souliers-là. Et quand tu claques tes souliers, l'autre soulier va te dire par où t'en aller pour t'en aller vers ta destination. Tu sais, ça va te dire jusqu'à à combien de... Par là. À quelle distance tu es, vers gauche, vers droite. Il y a des petites flèches, des petits clignotants. Ça vaut combien, ça? Bonne question. Je sais pas s'il y a un prix. Je me demande si c'est même disponible pour acheter. Attends un petit peu. Non, je pense que non. Je trouve pas l'information. Désolé. Je sais pas. Il y a tellement de photos que c'est difficile de voir le texte là-dedans. Il y en a beaucoup. Mais non, ça me surprendrait. Ensuite, tiens, si t'es tanné de courir sur un tapis roulant, tu peux faire du gym. À la place, tu peux le faire au vertical maintenant, à la verticale, avec le tread wall. Ben, l'escalade? C'est de l'escalade, exactement, mais sur un genre de tapis roulant infini, à différentes vitesses. Donc, ça pourrait être vraiment le fun pour les gens qui aiment l'escalade. C'est le tread wall M4 qui fait 4 pieds de large et qui prend pas tellement de place dans votre maison. Donc, si vous voulez vous entraîner pour faire vraiment de l'escalade. Il y a aussi le tread wall core qui peut aller jusqu'à 35 degrés d'inclinaison. D'inclinaison, beau mot. Jusqu'à 280 différentes positions de se tenir sur cette affaire-là. Ce modèle-là, le Core, coûte 5 000$. L'autre va coûter moins cher. On ne sait pas encore combien, mais sûrement dans les 4 chiffres quand même. Donc, excellente idée. C'est comme un tapis roulant vertical et c'est cool. Ensuite, on y va rapidement sur ceux-là. Un bouchon que tu mets sur ta bouteille de vin avec une combinaison. Pour les barrer. Pour empêcher tes enfants de boire. Non, c'est cool. Ça coûte 20$. 20$ par canne. Ouais, c'est ça, Pac-Man. Tu veux jouer à Pac-Man dans la vraie vie, t'as des petits Pac-Man contrôlables par télécommande qui jouent la chanson de Pac-Man. Oh. Donc, tu peux aller jusqu'à 26 pieds de distance, ça coûte 60$. T'as un fantôme rouge et Pac-Man qui se contrôlent chacun avec leur propre joystick. T'es assez nerd, tu trouves que tes lunettes sont pas assez nerd, tu veux avoir des verres de contact nerd aussi. C'est des rangements de verres de contact en forme de touches de clavier. L et R, donc L pour le gauche, R pour le droite, la droite. Et c'est vraiment des trucs pour mettre vos verres de contact. Vous fermez ça avec les touches. C'est 2,5 par 1,25 pouces. C'est fait de plastique. Et si on se trouve le prix sur perpetualkid.com, c'est 6$. C'est pas cher. Costume d'Halloween, ça a l'air bien normal. T'as un chandail avec, quand le moment est approprié, une bestiole, genre comme dans Alien, mais on dirait un enfant possédé qui te sort du ventre. Ah, c'est juste un chandail que tu portes. C'est le Animated Belly Buster. Ça vaut ça? Combien ça vaut? Allons voir sur spiritualhalloween.com. Ça coûte 70$. Le bébé, il sort... C'est... Il sort de ton ventre, mais c'est que c'est de l'électronique qu'il y a là-dedans. C'est normal que ça coûte un petit peu plus cher. Oh, ouais. Non, c'est cool. Ouais, c'est vraiment très, très bon, ça. Un jacuzzi pour les bébés. Donc, ça peut... pour les bébés, tabarouette. Ça peut aller jusqu'à 12 mois. Après ça, la plupart des bébés vont être trop grands. Il y a deux côtés au bain, un côté moins profond et l'autre plus profond. Après ça, ils disent que vous pouvez vous en servir pour vos animaux de compagnie. Ben, voyons, là. Oui, c'est ce qu'ils disent. Donc, jacuzzi pour bébé. Ça, c'est sur blueblue.com, blueblue.com. Allez voir ça. Il n'y a pas le prix sur la page où je suis là. 2100 $. 2100, merci François. Des bouchons pour les oreilles avec des poils qui sortent pour faire plaisir à votre copine. Déjà que vous ronflez, que vous vous avez pas, pas de classe du tout quand vous dormez. Ah, mais ça, comme costume d'Halloween, ça peut être cool aussi. Là, tu te mets des bouchons dans les oreilles, t'as du poil qui sort. Puis là, en même temps, ben, t'as pas à écouter la musique poche qui va jouer au party où tu vas. Mettons, ça quand même. Ça, je l'adore, le Ben Desk. C'est un bureau de travail qui est un écran devant toi qui fait vraiment ton bureau est comme une table. S'il y avait deux tables à 90 degrés une par-dessus l'autre, on dirait que ta table elle continue jusqu'à devant toi. Et après ça, courbe et devient ta surface de travail. Et tout ça est un seul écran. Okay. C'est difficile à expliquer, là, mais mettons devant toi et ton bureau, c'est la même surface qui continue comme une table pliée. Donc, c'est vraiment super bien fait. C'est un projet, c'est un prototype, le Ben Desk. Allez voir l'article. Et finalement, une valise qui vous suit. Donc, c'est une valise qui fonctionne par triangulation de votre signal cellulaire. Donc, avec votre cellulaire que vous avez dessus, il va tout le temps, la valise va te suivre. Ah, c'est cool, ça. Avec tes données, ta position cellulaire, c'est vraiment génial comme idée. Ça, peut-être qu'on peut l'acheter parce qu'il y a une product page. En même temps, pas l'air d'avoir de prix là-dessus non plus. Oh, ça, c'est le fun. Mais il y a plein de beaux petits dessins. Je trouve que l'idée est bonne. De toute façon, la plupart des gadgets que je mentionne là, c'est pas des affaires que vous allez acheter, c'est bien trop cher. Hein? Ouais, c'est quand même... c'est pas donné, là. Mais il y en a une couple que ça me dérangerait vraiment pas d'avoir. Le truc pour les clés, là, sur le mur, là. T'aimes ça? Ouais? Ouais, je trouve ça vraiment cool. Ça fait parler, ça. C'est le fun. Ouais. Le Lucky Charm pour barrer et débarrer la porte à distance, je trouve ça cool aussi. Quand t'arrives à la maison, t'as l'épicerie dans les mains, ton téléphone est dans ta poche, t'as même pas besoin de débarrer la porte. Ouais, ça c'est cool. Ah non, c'est le meilleur, je pense. Ça c'était à environ 200, si je me souviens bien. Environ. C'est pour ce que c'est pas si pire que ça. C'est cher, mais c'est pas si pire. Donc voilà pour la chronique que ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a. Yeah. Good. Alors, on termine cette première heure ici. Qu'est-ce qu'on a en deuxième heure, François-Olivier? On va recevoir Mme Marie-Pierre Martineau-Bouchard qui va venir nous parler de la démarche des premiers quartiers. Mm-hmm. Donc, on a ça aller vers les 8h. 8h15, Mathieu. C'est Alexandra Carignan, sa chronique à respectacle. Et puis à 8h30, François? François Landry. Ton homonyme. Ouais, c'est ça exactement, qui nous parle de politique, évidemment, comme à chaque jeudi. C'est merveilleux, mais pour l'instant, on écoute l'Info Campus. Restez là. C'est fou depuis un bout. Vous écoutez Assemblage Requis jusqu'à 9h. Oui, hein, c'était supposé jouer, c'était ça. Ce qui était supposé jouer avant, c'était Assemblage Rocky présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Oui, exactement. On les adore. Et il est 8h02, lui c'est François-Yves Marchand. Lui c'est Mathieu Plante. Et vous êtes à l'émission matinale en pièces détachées. Assemblage Rocky. Assembly Require. Hein? Some Assembly Require. Oh. C'est le nom d'émission en anglais dans un univers parallèle. Ok. C'est comme les palmarès, c'est fou, c'est le Crazy Garden. Merci, oui, c'est un espace vert. Vert. Un espace vert. C'est le poumon de l'UQTR dans ma tête. On écoute Noem, voici mon espace. Ça fait un petit bout qu'on l'a pas entendu. On l'a joué beaucoup il y a quelques semaines, mais là, on perd notre bonne habitude. Après ça, on revient avec Alexandra Carignan, entre autres. Restez là. Je me suis levé ce matin. Dans un curieux monde parallèle, j'avais un corps étoilé tien dans un univers matériel. j'avais si froid et j'avais mal. Sans mon réseau, je n'étais rien. Tout était vrai et immoral. Tu étais là, tu étais loin. C'était Noem avec la pièce Mon espace à assemblage requis. Ouais. C'est ça. C'est ça. Merci Mathieu. Fait plaisir. Ça. Hey, on a présentement une invitée en studio, Marie-Pierre Bouchard, qui est organisatrice communautaire pour la démarche du premier quartier. Oui, bonjour. Bon matin, ça va bien? Oui, ça va bien, merci vous. Oui, très bien, merci. Donc, en fait, on pourrait commencer un peu l'entrevue. Que tu nous expliques un peu, c'est quoi la démarche du premier quartier? En fait, la démarche du premier quartier, c'est un organisme qui, avec des partenaires, environ 50 organismes autour et citoyens, travaille à développer et à revitaliser les premiers quartiers, donc les premiers quartiers du Grand Trois-Rivières. puis par des actions concrètes et stratégiques là, sur les volets économiques, social, environnemental et communautaire. OK. Et puis, les premiers quartiers, bon, écoute, on pense vraiment à Centre-Ville, j'imagine. Saint-Philippe, Notre-Dame, okay. Une partie de Saint-Sacrement, Sainte-Marguerite, Saint-Paul, pour le Câble-la-Madeleine aussi. Là, ah, Câble-la-Madeleine, ça rentre là-dedans aussi? Oui, aussi. OK. Oui. OK, génial. Et puis, vous organisez, en fait, un 5 à 7 tapas? Oui. Le 5 à 7 tapas, c'est une invitation, en fait, aux résidents et aux citoyens des premiers quartiers. Okay. On l'a appelé « Venez rêver avec nous ». C'est de rêver son quartier justement pour partager des projets ou des trucs qui pourraient être améliorés dans leur quartier. En fait, c'est vraiment pour que les gens s'approprient leur quartier, développer le sentiment d'appartenance. OK. Et ça peut être de nature quoi? Sportive? Sportive, sur l'environnement, culturel, le tourisme, sur des trucs qui pourraient être implantés aussi au niveau de la santé. On a aussi des jardins pour... c'est communautaire, on a un bulletin communautaire. Donc, par toutes ces actions-là, on veut que les gens s'approprient leur quartier puis, en fait, développer vraiment là, une action concrète entre eux. Là. OK, parfait. Et ça, ça se déroule quand exactement? Le 5 à 7, c'est jeudi prochain, le 18 octobre. Puis, c'est sous l'invitation de la démarche des premiers quartiers, l'Auberge internationale et le Forum jeunesse Mauricie. Puis c'est vraiment là, sous forme conviviale. Donc, on partage nos idées, on essaie de voir les projets qui peuvent être mis en place, puis on va de l'avant ensuite avec ça. OK. J'imagine que les gens doivent se préparer un peu d'avance, peut-être mettre sur papier un peu leurs idées. En fait, c'est vraiment de l'échange. Là. On veut pas de trucs trop... trop préparés. Trop préparés, mais en fait, si on en a, let's go, on y va, puis ça va de soi. Mais c'est en fait, c'est d'emmener notre imagination, notre collaboration, puis le désir du changement aussi. OK. Et ça, ce 5 à 7-là, est-ce que ça coûte quelque chose? Non. La seule collaboration, en fait, c'est que chaque personne doit emmener un repas de deux portions, soit des amuse-gueules, des entrées. C'est tapas, donc, sous le volet. On échange, puis on mange tout en rigolant. OK. Et quelque chose à boire, j'imagine? Oui, leur consommation personnelle. OK, parfait. Et puis... De confirmer la présence aussi. Oui, c'est ça, il faut réserver. Oui, c'est ça. Confirmer au 819-371-9393, qui est à la démarche du premier quartier. OK. Et puis, ça s'adresse vraiment aux résidents et citoyens. Oui, de tout âge. OK, génial, génial. Aviez-vous d'autres choses à rajouter? En fait, si y a des gens qui sont intéressés à être chroniqueurs pour le bulletin, on a un bulletin au Câble-la-Madeleine qui est à propos. On peut contacter Jacinthe au 376-5666. OK. Chroniqueur, ça, on parle d'un média écrit? Oui. Oui? On a un petit bulletin qui s'appelle La propos au Câble-la-Madeleine et le bulletin des premiers quartiers à Trois-Rivières qu'on peut retrouver sur notre site Internet aussi et sur notre page Facebook. Ça, j'imagine qu'il faut être encore résident des premiers quartiers. Oui, des citoyens. C'est... Fait, qu'est-ce qui se passe dans le quartier pour les citoyens. OK. Génial. Marie-Pierre Bouchard, merci beaucoup. Et merci à vous. S'il y a d'autres choses, gênez-vous pas. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Vous aussi. Vous êtes toujours à Assemblage Requis. Dans quelques minutes, on revient avec notre ami Alexandra Carignan qui va nous faire sa superbe chronique à spectacle, Le temps d'une culture. Le temps d'une culture. Non, je chante pas à ma tête. J'étais sûr que c'était pas pire. Alors, écoute, Badlands, voici Will Driving West. sail away. Sail away from the land where your dreams seem unreal. Sail away to where you don't have to do, where you only have to be. Sail away from the striving. Sail away from the struggle. Sail away to the heavens. They're right here in your hands. Sail away to better. Driving West et la pièce Better Lands à Assemblage Requis. Il est 8h18. François Marchand est toujours là. Oui, et Mathieu Plante aussi. Oui, et on vient de recevoir en studio en exclusivité exclusive Alexandra Carignan. Ben oui, c'est moi. Bonjour. Bonjour. On va l'accueillir le temps d'une culture. Alexandra. Bonjour Mathieu, ça va bien? Ça va? Je me suis jamais rendu compte à quel point mon intro est à longue. Non, mais elle est bonne. Elle est bonne. Oh, ouais, c'est très bien. Faut juste commencer à se timer parce que c'est la première fois qu'on l'utilise en tant qu'intro. Ben oui, ben oui, ben on va s'adapter. Tout à fait. On va s'adapter comme toi, tu t'adaptes à tous les environnements tellement t'es polyvalente, polyglotte et polyomnivore. Je suis polyglotte. Je sais même pas ce que ça veut dire polyglotte. Tu parles plusieurs langues, là. Ah, ben oui. C'est ça? Dont le français. Dont le français. J'en ai plein d'autres, mais québécois. Je les nommerai pas. Aussi. Ouais, les québécois. C'est ça. Ouais. Ça fait deux, c'est poli, ça. Ouais. Et t'es très poli aussi. Je pense que je peux quand même parler le saguenay un peu. Oh! Ah ouais? Mais je m'avance pas, non. Non? Est-ce qu'on fait un défi, genre, premier paragraphe de ta chronique? Là, tu fais juste un jeu. Non! Non, mais je suis pas préparée, c'est ça l'affaire. Pour préparer, faut que tu t'étires le muscle, l'aine. Vocalien. OK. Ouais. Laine vocalienne. Mais ce que je peux vous parler, par exemple, ouais. C'est de culture. Ouh, et cette semaine, on va vraiment aller dans le vif de la culture trifluvienne, soit les métiers d'art. Oh, OK. Je ne sais pas si y en a qui connaissent la boutique Emma. C'est situé au centre-ville. J'ai lu un article dans Zone Campus, je pense, par rapport à ça. Un très bon article, d'ailleurs. Par une certaine Alexandra Carignan. En fait, Emma, c'est une boutique qui est située au centre-ville, sur la rue des Ursulines. Donc, c'est pas très commun comme boutique. Normalement, c'est sur la rue des Forges. Ouais. Mais en fait, c'est situé dans la maison historique Hertel de la Fronnière. Donc, c'est juste à côté du musée des Ursulines. Une superbe maison. Et à l'intérieur de ça, il y a Emma, qui est une boutique des métiers d'art. Mais qu'est-ce que les métiers d'art, me demandez-vous? Eh bien, c'est assez simple. C'est des objets, que ce soit des bijoux, de la porcelaine, des vases, du tissu, qui sont faits à la main, souvent équitables, et qui est en fait, c'est un objet qui est souvent utile, mais très artistique. C'est ce qu'on appelle les métiers d'art. Il y a des jouets aussi. Hein? Oui, il y a des jouets qui se font. En fait, le métier d'art, c'est excessivement large comme terme. Donc, quand on va là-bas, là, on peut autant trouver une veste qu'un pot pour ton café. Là. C'est vraiment... ça dépend, en fait, de ce que les artistes présentent. Et en fait, si vous êtes quand même familier avec le Salon des métiers d'art qui se passe à chaque année au mois de novembre, eh bien, sachez qu'il y a plusieurs artisans qui sont là, qui font partie d'Emma. Et ce qui est intéressant avec Emma, c'est que les employés de la boutique sont les artisans. Donc, par jour, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, c'est un artisan différent qui présente dans la boutique. À l'année longue. À l'année longue. Presque, mais oui. Ben, c'est ça, c'est ouvert quand même toute la semaine. Je m'en veux plus de l'horaire précis. Mais c'est une boutique normale. C'est pas ouvert seulement l'été ou pendant le temps du Salon des métiers d'art. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on propose aussi une exposition. La maison Hertel de la Fronnière, c'est comme une vieille maison historique. Donc, vous rentrez, la grande pièce de maison est séparée par un escalier. Donc, une entrée d'escalier. Ça fait qu'il y a comme deux pièces au premier palier. À droite, il y a la boutique. Et à gauche, il y a une salle d'exposition qui est soit des artisans qui font partie d'Emma ou d'autres artisans des métiers d'art qui veulent exposer, mais qui ne font pas nécessairement partie du regroupement. Alors, c'est super intéressant d'y aller. Simplement pour essayer d'encourager, en fait, les artisans. Ils sont majoritairement trifluviens, centre du Québec, donc de la région. Des personnes qui travaillent très fort pour faire des objets qui sont uniques. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu... moi, je vois plusieurs personnes avec ça, mais c'est les sacoches maintenant qui sont rendues très populaires. C'est les sacoches. C'est rendu populaire, ça, c'est nouveau. Non, mais les sacoches qu'on achète à Emma, qu'on retrouve un peu partout au Québec, d'ailleurs. Okay, oui, elle a vraiment eu un très bon succès avec ça. Oh, cool. Ce sont des sacoches avec des personnages dessus. Ah, et ces personnages-là ont chacun une personnalité très distincte et chaque sacoche a son propre bonhomme. Est-ce qu'ils ont des portefeuilles qui vont avec ça aussi? Oui, aussi. Moi, ça me fait Donc, c'est comme super le fun et c'est très original. Moi, j'adore la maison Emma. Premièrement, elle est magnifique, parce que c'est dans la maison Hertel Lafrenière. Mais deuxièmement, parce que... Deuxièmement. Mais je sais pas c'est quoi le jeu de mots. Ben, deuxièmement, Emma. Emma. Oh my God, OK. Oh my God. Non, arrête. Alors, la boutique Emma, c'est au centre-ville, c'est super beau, ça fait des très beaux cadeaux d'ailleurs. Moi, j'ai dit, là, à place d'acheter quelque chose au Walmart là, qui a été fait par un Chinois meurtri, là, ben écoutez, acheter ça chez Emma, ça va coûter. C'est sûr que c'est plus cher. C'est plus cher un peu, ben, c'est oui. Unique. La qualité. Mais c'est unique et c'est de la qualité. Et c'est souvent garanti à vie parce que la personne, tu peux aller voir comme. Ben là, je t'ai acheté une sacoche. Ça fait deux semaines que je l'ai, là, puis elle a toute décousue. La fille va faire. Pas de problème, c'est ma faute, je t'accoupe, puis tu sais, c'est ça qui est le fun. Et si vous voulez aller voir Emma, c'est ouvert toute la semaine. Vous avez juste à aller voir leur site internet, qui en fait tout est disponible là. Mais si vous dites, ben il y a le Salon des métiers d'art bientôt, qui se trouve à la Maison de la Culture, donc dans le centre d'exposition Raymond Lagny, mais aussi dans la salle Louis-Philippe Poisson. L'année dernière, ça avait tellement eu un grand succès qu'il fallait fermer les portes et faire la file pour rentrer. Ah. Alors, c'est très intéressant. C'est du 29 novembre au 2 décembre. Contrairement à Emma, ce sont des artisans qui viennent d'un peu partout au Québec. Donc Emma, c'est exclusivement un Mauricie-Centre du Québec et de la région. Tandis que le Salon des métiers d'art, on retrouve autant des personnes de Montréal, de Québec, du Saguenay et ainsi de suite. Donc ça regroupe plusieurs personnes et c'est toujours très plaisant. Et ça justement, le 29 novembre, 2 décembre, c'est pas mal le temps avant Noël. Ouais. Donc les personnes qui vont là d'habitude... Ils renflouent leur coffre de cadeaux. Et ça fait des beaux cadeaux. Là. Ça fait des très beaux cadeaux, très uniques aussi. Alors, moi, je vous conseille d'y aller. Pour plus d'informations sur le Salon des métiers d'art, je vous invite à aller visiter Emma aussi, en fait. Donc, le site www.emmametiersd'art.ca. Alors, Emma Métiers d'art, Emma, allez voir ça. Emma, allez voir ça. Alors, je vous le suggère, c'est très plaisant d'encourager les talents d'ici. Et en parlant de talents, eh bien, je vous ai apporté une découverte musicale. En fait, c'est pas une découverte pour moi parce que j'en suis une grande fan depuis longtemps, mais j'ai acheté son nouvel album tout récemment. Je suis comme 6 mois en retard. Et c'est Amélie, la belle Amélie. Album qui est produit par Antoine Graton. Oh, hein? Donc, quand même. Ça rentre au poste en tabarouette. Alors, la chanson que je vous propose, c'est La fête d'Amélie. Assemblage requis. C'était La fête d'Amélie. C'est bon? C'était mon coup de cœur. C'est vraiment bon. Je vous invite à vous procurer ces deux albums. D'ailleurs, elle va être en spectacle à la salle Anaïs Allard Rousseau ou à la salle où Philippe Poisson, je m'en rappelle plus. Bref, à la Maison de la Culture. Bientôt. Oui. En fait, ça va être dans la saison hivernale 2013. OK. Donc, ça s'en vient. Ça s'en vient. Je pense que c'est au mois de février. Ça vaut la peine, c'est évident. Oui, ça a beaucoup de potentiel. Ce fait de vos demandes spéciales à la maison, appelez-nous pour mettre ça là, en rotation. Non, oui. On n'a pas de rotation, là, c'est des blagues. Donc, Amélie, merveilleux. Alexandra, oui. Aussi, merveilleuse. Que de compliments. Alexandra Carignan, la semaine prochaine, là, quand sera spécial cette semaine, étant donné qu'il n'y avait pas d'émission lundi, mettez-les lundi à 8h30. Écart, en fait. Ouais, mais ça va potentiellement être genre 8h30. Une vie avec retard. C'est ça. Ben, on a Véronique Mir juste avant toi. Oui. C'est ça. Donc, voilà pour ça. À la semaine prochaine. Merci. À la semaine prochaine. T'es pas au palmarès cette semaine, non? Non. Que je te wipe pas. Mais à la place, je suis à la visite gustative du Centre d'exposition Raymond Lanier. Une belle expérience culturelle qui mélange l'art et l'art culinaire. Merveilleux. Ah, voilà. Superbe. François Landry s'en vient tantôt avec sa chronique Logocratie 101. François Landry, bonjour. Bonjour, bonjour. Zutter, tu nous parles de On avance par en arrière. On avance par en arrière. Ça on parle de taxes. De taxes, de contributions. On verra tantôt ce qu'il y en est, mais je suis très déçu de mon gouvernement. Fait que t'es chiale. Je chiale dans mon salon. Bon. On en parle ensemble, on chiale tous ensemble à Assemblage Requis. Reste là. Lundi, à Assemblage Requis. On reçoit Véronique Mire du Bureau de la réussite étudiante pour sa chronique aux deux semaines, comme toujours. Et Alexandra Carignan sera de retour deux jours de fil. Ben genre, c'est pas tellement deux jours de fil. Mais pour nous autres, c'est deux jours de fil. Lundi, dès 7h, à Assemblage Requis. Assemblage Requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Jusqu'à 9h, vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées. Assemblage requis. Il est 8h33, François-Olivier Marchand, ça va toujours bien? Ça va très bien avec François Landry, ça peut pas aller mal. Vous avez l'air de rire. Hein? Ça a l'air d'être comme tellement amical et une vraie relation de body-body. Body-body? Pas corps à corps, là. Body comme des body burgers. C'est pas très bon finalement, les body burgers. Ah, pas assez. Non. C'est pas les meilleures affaires au monde, c'est comme moyen. Aucune idée de quoi tu parles. C'est chez AW. Oh, OK. À part les teen burgers, là, j'explore pas au-delà de ce territoire. Ils sont bons, les teens. Ah, 2 pour 5 piastres, là. Waouh, hein? Ça, c'est du contenu, là. C'est du contenu. C'est du contenu. Ça coûte, je sais pas combien, mais il y a des taxes en plus, mettons. Il y a des taxes. Lien. Exactement. Donc, il faut payer toujours... toujours plus. Toujours plus pour le bien-être de la société, bien évidemment. Ouais. S'il vous plaît, là. Ou pour la mauvaise gestion. S'il vous plaît. Collègue. Collègue. Collègue. Le début est solennel. Collègue, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le début est solennel. Pompeux. Royal. François Landry, Maître Landry. Oui. Oui. T'es le premier à m'appeler de même, c'est bien. Oui, j'ai pas déjà fait ça. Sûrement dans une autre vie. Ah, c'est votre honneur. Votre honneur, oui, entre autres. C'est bien. Grandeur. Oui. Oui. Donc, François, aujourd'hui, tu l'as dit, on parle de taxes. C'est un sujet qui touche tout le monde, là. Oui, je suis déçu parce qu'il a fallu que je réécrive ma chronique ce matin même avant de rentrer en studio. Ça a changé hier. Ça a changé parce que tu te souviens, François, cette semaine, on s'est croisés dans les corridors. Puis comme toujours. On se croise tout le temps, là. Puis tu m'as dit, de quoi se passe cette semaine? Je dis... Honnêtement, j'en ai aucune espèce d'idée parce que j'aurais pu parler de la commission Charbonneau. Commission Charbonneau qui commence d'ailleurs. Ouais, mais des... sous huis clos. Donc, tout le. Sous huis clos, là. Ouais, c'est encore huis clos. Ce qui a été dévoilé avant hier, c'est parce que les journalistes ont demandé à la juge de décensurer. Déhuicloisés. Des amis sur Facebook, c'est quoi? Désentramisés. Désamifiés. Désamifiés. Il y a tellement des mots aujourd'hui, c'est bien ça. Non, ben c'est du françoisisme. Oh! Du landrisme, mais ça, ça aurait le rapport avec Bernard Landry, si on dit un landrisme. Ouais, pour ça, je préfère du françoisisme. Okay. Je veux pas entacher la famille qui n'est pas la mienne. Toi, tu veux pas nuire à eux autres, c'est pas eux autres qui nuisent. Ouf! Je vais te dire, des fois, c'est à double sens. Je disais, je sais pas de quoi parler. Là, mercredi matin, bang, le flash, je vais parler de la contribution santé, le gouvernement Marois qui jongle avec l'idée de la retirer, de la remettre, de la pallier, de bon blablabla. Elle l'a modifiée, là. C'est hier après-midi que Nicolas Marceau, notre cher ministre des Finances, dans son complet gris années 80... As-tu les shoulder pads, les trucs, ses épaules, oui. Là? Aïe, pour vrai. C'est la coupe 80. Là, je sais que les années 80, ça... C'est assez... Je sais que ça revient à mode, là, mais il y a des limites dans le goût. Là. Il est avant-gardiste dans la mode. Non, il est arrière-gardiste. Mais, c'est hier après-midi qu'il a fait sa conférence pour dévoiler la nouvelle taxe santé qui ne sera pas abolie. Donc, non, mais elle est modifiée. Elle est modifiée. Tu peux pas dire qu'elle est pas modifiée. Wow, elle a changé. Elle a même changé de nom maintenant. C'est plus la taxe santé, c'est une contribution santé. Ouais, ça peut jouer avec les bancs. Dans le cours d'école, quand le gros Tommy disait « Hey, François, je vais te péter les dents si tu me donnes pas 2$ » ou « Fais-moi une contribution de 2$ », tu te pètes les dents pareil. Là. On s'entend là-dessus. Ben, je lui donnais. Ouais, c'est ça. Tu les donnes, puis tu pleures. Mais, un petit berlingot de lait. Une taxe ou une contribution volontaire, imposable. Bon, ça revient au moins. Ça, ça ne se tient pas sur les mots. Taxe. Mais oui, ils ont modifié, puis je vais rendre à César ce qui lui appartient ou à. Sa vinaigrette, nous. À Nicolas, ce qui lui appartient. Nous autres, nous trois ici, on ne gagne pas 42 000 par année. Non. À moins que vous me cachiez des choses. Pas tant. J'aimerais bien ça de cacher des choses. J'aimerais ça gagner 42 000 mais on ne le gagne pas. Donc, nous, notre contribution santé qui était de 200 passera à 100. Donc, c'est un. C'est bien. Pour un couple, là, on ne paie pas. On gagne pas 200 par année, mais on ne paie pas 200 de plus par année. On va payer 100 chacun. Ouais. Donc, c'est une diminution de 50% de nos impôts. Donc, moi, je prétends qu'en janvier prochain, je vais être obligé de payer encore mon 300 annuel qu'il faut que je paye en impôts, tout en ça, chaque année. Mais là, c'est ça. Mais ça prend effet seulement pour 2013. Donc, oui. En 2012, en fait, on paye le 200 comme exactement. Initialement. Donc, attendez-vous à votre prochain rapport d'impôt d'avoir la ligne taxe ça change santé, 200 là. Donc, on se fait encore avoir là-dessus. Tout le monde, que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois roux, que tu sois brun, tu vas payer 200 pareil, si tu payes des impôts, évidemment, parce qu'au Québec, 40% des gens ne payent pas d'impôts. 40%, c'est presque une personne sur deux. Wow. Pas parce qu'il y a de l'évasion fiscale, Mathieu. C'est parce qu'ils ne gagnent pas assez pour qu'ils soient imposables. Ah, c'est et gagner assez, c'est 20 000 ouais. On s'entend qu'au salaire minimum, temps complet, c'est 20... J'avais le chiffre sur moi. Je... Sur 26, moi j'ai 26 en tête. Là, ben. Non? Moins que ça? Je l'ai dans mon texte. Okay. Je vais aller plus tard. C'est comme un teaser. Là. Ouais, une chose c'est, à la fois. Comment être pauvre au Québec, je vais vous le dire plus tard. Donc, le gouvernement Marois, qui arrive au pouvoir le 4 septembre, dit, nous autres, il faut, pour respecter nos promesses, 1,6 milliard de dollars de plus. Donc, elle s'est dit... avant même les élections, on va abolir la hausse des droits de scolarité. C'était une bonne chose, d'ailleurs. Bon, oui, ça, je suis content. Puis avant hier, c'est officialisé. Donc, à tous les étudiantes et étudiants qui nous écoutent, la hausse est officiellement abolie. Mais d'ailleurs, si vous allez voir sur le portail étudiant, l'université, vous allez voir votre compte, vous allez voir que, en fait, l'université vous doit de l'argent. Oui. Ça, c'est une entente que l'UQTR avait pris avec ses étudiants. L'UQTR, juste pour faire une parenthèse, elle s'est dit, nous autres, on sait que le gouvernement n'a pas encore décrété le moratoire, mais contre la hausse, n'a pas émis le décret, mais on vous le facturera pas. Si jamais le gouvernement recule, on va vous le facturer éventuellement. Mais pour cette année, on vous le facture pas, donc l'UQTR était bien gentil. Ils sont bien dadons. Ouais, ils sont bien dadons. Écoute bien. Claude Marchand, le vice-recteur financier, est bien dadon. Donc, 1,6 milliard de dollars à aller chercher cette année. Mais comment arriver à ses fins? Donc, Nicolas Marceau avait dit il y a trois solutions. D'abord, on va utiliser une réserve de 300 millions de dollars qui était prévue dans le cadre financier. Donc, toujours un petit bonnet d'aide du gouvernement. Dit, ensuite, on va profiter de la baisse des taux d'intérêt. Ouh, ça a baissé de quoi? De 0,1-0,2% récemment. Ben bon, sauf sur plusieurs milliards, ça fait plusieurs millions. Oui. Ça aide. Ensuite, on va lutter contre l'évasion fiscale. Je vois comment? Vos gros yeux. Comment? La bonne question, Mathieu, c'est comment? L'idée n'est pas mauvaise, mais mettre ça en application, c'est autre chose. Les règles. Calverso a dit lui-même, j'en ai aucune espèce d'idée, comment? Tu sais? Ah non, je veux lutter. C'est pas le premier à vouloir essayer. Quelle grosse idée. Fiscale, ça va être quoi dans les restaurants, les pourboires déclarés, les pourboires officiels? La vraie lutte à l'évasion fiscale, ça serait les paradis fiscaux. C'est ça. En Suisse. Mais ça dit, là, c'est de l'évasion fiscale. C'est ça. Donc, t'as beau mettre des lois, quand ils vont en avoir d'autres. Là. Effectivement. Donc là, il dit, on a besoin de 1,6 milliard, on va faire ça, mais combien je chiffrerai à ça, on le sait pas. On sait pas. Plus concrètement, par contre, la taxe santé qu'on parlait en introduction, elle sera graduellement éliminée. Graduellement, on n'a pas un cadre temporel. Mais on sait au moins pour 2012 et 2013. Donc, déjà ça, on vit à court terme au Québec. Tu sais, le gouvernement peut tomber n'importe quand aussi. Là. Effectivement, en tout temps. Et même, peut-être même cet automne, le gouvernement québécois prend un... ils ont fait ça pour énerver les médias. Là. Ils ont dit, on est prêt à aller au bûcher, à se mettre la tête sur le bio, déclenchement d'élection cet automne pour une taxe santé progressive. qu'on voit le gouvernement nous défaire. Que les ils sont en bonne position avec ce qui se passe au Parti libéral. Ouais, pour cet automne et au printemps prochain, ils sont en mesure de siéger, mais dès l'automne prochain, dans un an, marché facile. Ils vont commencer à avoir chanté des bras. Donc, Nicolas Marceau qui dit que cette mesure-là va... c'est seulement ceux qui vont gagner 100 000 et plus qui vont vraiment avoir une taxe plus élevée que les gens dits normaux, donc la grande majorité des Québécois, qui gagnent pas cher. Parce que la moyenne des salaires au Québec, c'est 42 000 à peu près. On s'entend que c'est pas gros. Non, c'est pas énorme. C'est pas gros. T'sais. On n'est pas loin de là, nous trois réunis ensemble, là, mais... pense à peu près. je vous sous-estime. Okay. Comptons. Okay. Comptons. Okay. Non. Mais il dit, j'aurais aimé ça aller plus loin, mais que voulez-vous, le 4 septembre, la population nous a dit, on veut un gouvernement minoritaire qui marche fait serré, donc faites-nous pas... Fait qu'il a dit, je vais faire entre les deux. Nous autres, on voulait l'abolir, le PLQ voulait la maintenir, puis le parti, la CAQ voulait l'abolir, mais en temps et lieu. Donc, Nicolas Marceau a dit, on va faire un melting pot des trois. Et il l'a appelé, nous autres, on l'appelait la taxe santé. Ensuite, le vrai nom maintenant, c'est contribution santé. Et Nicolas Marceau l'appelle la taxe du consensus. Ah, c'est beau. Hein? Wow. Là, c'est beau. On sait pas ce que ça veut dire, mais tout ça pour dire que... Ils m'ont pas consulté avant de... Non, non. Mais... C'est pas un consensus. Ah ouais, c'est ça. Bon. Mais le 26 septembre dernier, donc c'est quand même récent, le ministre des Finances et de l'Économie, Nicolas Marceau, avait pourtant été très clair. J'ouvre les guillemets ici. L'esprit de notre proposition est incontournable. C'est d'abolir la taxe santé de 200$ pour 5 millions de personnes et de demander aux contribuables les plus fortunés de faire un effort supplémentaire. Je ferme les guillemets. Donc, le 26 septembre, il a dit ça. Hier... Il a en partie raison, en partie tard. Là. Hier, il s'est auto-peleux, bananisé en disant que on ne fera plus. Vous me dites en micro fermé tantôt, t'es-tu de bonne humeur? Non, je suis fâché. Pour deux raisons. Pourquoi? Pour cette déclaration-là, il dit c'est incontournable, l'esprit de la loi est là, l'esprit de la taxe est là, c'est 200$ ou personne, t'sais, ou zéro. Là, on va faire des paliers. Puis je vais vous les énumérer, les paliers. Là. J'ai un beau petit tableau aussi de paliers. Là. Ben, c'est 1000$ maximum. 1000$ maximum. Mais faut pas oublier que dans le programme du Parti québécois, dans le programme sur lequel les gens se sont basés pour les élire, c'était marqué « Abolition de la taxe santé de 200$ ». Ouais. Non, je peux comprendre un peu ta frustration. Si dans un programme... tu vas voir un spectacle, tu vas voir la programmation, c'est Pink Floyd qui s'en va au Centre Bell. T'arrives là, c'est Marimé. Mais ça arrive. Ça se peut-tu que tu sois déçu un petit peu? Oh, ça arrive. Hein? Ouais. Tu te fies à Evenco, à d'autres grands spectacles de même. Tu t'attends à quelque chose. Tu t'attends à U2, c'est Marie-Hélène Thibert. Mais en même temps... Méchant drop. Je sais pas, mais... Mais en même temps, écoute, on pouvait s'en attendre un peu. Là. Non, on va faire un compromis. On va mettre Éric Lapointe en deuxième partie. Ah, bon. Hein? Pour les plus fortunés, ça, on va mettre Michel Louvain. À un moment donné... Quand c'est écrit sur papier, tu te dis j'abolis la taxe, abolis-la. Oui. Arrange-toi, c'est pas mon problème. Arrange-toi pour l'abolir. Si tu veux pas l'abolir, la taxe, dis-la pas dans ton plan. Ou dis on vise l'abolition à moyen terme. Mm-hmm. Là, c'est ce qu'ils visent. Mais, regarde, Parti québécois, c'est le Parti québécois, c'est pas la première fois. Ben, tous les partis, les vieux partis, la CAQ incluse, parce que c'est les cendres d'un vieux parti. Ils nous disent quelque chose et arrivent au pouvoir. Oh, on n'a pas les marges de manœuvre pour. Oui. Non, je suis d'accord avec toi. Mais quand même, le Parti québécois a quand même fait beaucoup de chemin avec ses promesses. Déjà en début de mandat, là, comme sur la fermeture de Gentilly, c'est un gros morceau. Oui. Écoute, ça parlait beaucoup. La hausse des frais de scolarité qui a été annulée, c'est déjà deux bons morceaux. Puis, tu sais, écoute, je peux comprendre qu'à un moment donné, l'argent, ça tombe pas du ciel. Tu sais, faut que tu essaies d'en récupérer aussi. Mais dis-moi le pas avant que tu veux le faire, mais tu peux pas le faire. C'est même mentir, c'est de l'opportunisme politique. Ouais. C'est carrément ça. Ouais, mais en même temps, comme tu dis, les autres partis. Parce que dans la fois, ça revient à. On se fait élire le 4 septembre, puis pour les 4 prochaines années, tout ce qu'on va faire, c'est on va renier notre programme ou on va changer notre programme, puis dans 4 ans, on va en écrire un autre programme, puis tu ne. Dans le fond, le citoyen se prononce une fois par 4 ans. Oh non, c'est sûr, c'est sûr. Mais peut-être que le trou, en fait, que les libéraux ont laissé, le trou financier, là, en fait, là, ça peut peut-être... faut que tu t'ajustes aussi. Ouais, là. Ça, c'est de bonne guerre, parce que à chaque fois qu'un gouvernement est pas renversé, mais quitte le parti, dès que le parti quitte le pouvoir, il laisse toujours dans les fentes du fauteuil une coupe de trous que l'autre faut qu'il patche. Ah, c'est ça. Quand Pauline Marois, c'était pas prévu. Quand le Parti québécois avait quitté le pouvoir en 2003 pour le Parti libéral, il y avait aussi un trou de 800 millions. Bah, c'est juste le retour de l'ascenseur pour dire tu m'as fait chenoute en 2003, je te fais chenoute en 2012. Ouais, Donc, en principe, le Parti québécois aurait dû faire un cadre budgétaire en sachant, chiffrons, 1 milliard $ qu'on est dans le trou en partant. Donc, il aurait dû. Ça, c'est un problème aussi, d'ailleurs, du Parti québécois. Le cadre financier n'avait pas été déposé. Très bien seté, très bien rédigé et effectivement déposé. Donc, ils ont dit ça va venir plus tard quand on va voir les examens. Beaucoup de promesses ont été faites. Donc, le 4, si tu te souviens bien, dans la semaine du 4, ils ont fait une conférence où Pauline a dit on déclasse Gentil 2, on abolit la hausse des frais de scolarité. La loi 12, donc 78, va être aussi abolie. La taxe santé va être abolie, blablabla, blablabla. Là, les journalistes ont demandé « Avez-vous regardé les finances? » Non. On a eu notre première réunion cet après-midi et on a décidé ça. Hey, wake up! T'es un gouvernement qui se dit responsable. Assieds-toi avec tes fonctionnaires, regarde le budget, sors des grandes lignes, puis la conférence de presse pour les journalistes, pour les contenter, fais ça plus tard. Mm. Attends une semaine, à la limite. Dis-leur juste qu'on va étudier les finances attentivement en tant que gouvernement responsable. Oui. On va regarder notre marge de manœuvre et dans une semaine, on vous convoque. On va prendre des petits sandwichs, pas de croûte. On va jaser ensemble. On va vous expliquer l'état des finances publiques. C'est de prendre le temps de faire les choses comme il faut. Ah, il était pressé. Si vous avez suivi la saga du début du mandat, c'était on ferme Gentil 2. Ouais, ben sous quel prétexte? On le sait pas, on le ferme. Les études vont venir plus tard. Ensuite, Thierry Vandal, le PDG, pas le PDG, mais le directeur général, a fait une sortie pour appuyer le Parti québécois parce que c'est comme son boss maintenant. Donc, oui, il faut fermer, blablabla. Ensuite, plein d'autres affaires, plusieurs petits dossiers pour dire les gaz de schiste, entre autres. Le financement de la mine Jeffrey en asbestos. Qu'allez-vous faire? Oh, je sais pas, les études s'en viennent. La misère avec ça. Tout ça pour revenir à la taxe, juste pour vous expliquer en gros, si nos auditeurs qui sont inquiets à savoir, je vais-tu payer plus, je vais-tu payer moins? Oui, tu vas payer plus. Tu vas payer. Ça, une chose est sûre, ouais. Tu vas payer. Oh, ouais, c'est ça, exactement. On s'entend là-dessus. Mais si tu payes plus, tu as un peu les moyens, en fait. De payer plus. Ouais, ça, c'est l'impôt progressif, c'est la taxe progressive, c'est plus t'es riche, plus tu payes. Donc, plus tu consommes, plus tu payes. Ce qui est une bonne chose, à mon avis. Même sens. Ouais, selon moi aussi. Sauf que. Faut juste. Faut relativiser un petit peu. Ouais, voilà. Okay. Voilà. Parce que, on s'entend que tu t'achètes un manteau de fourrure, c'est parce que tu as les moyens. Donc, ça, paye une taxe plus élevée. Ouais. Je serais d'accord. C'est une taxe sur la valeur. Mais ton pot de bonne fenêtre, t'as pas le choix, c'est un bien essentiel dans notre vie. Il paye pas de taxes là-dessus. Fait que tu penses qu'il devrait y avoir des catégories de produits, des catégories de. Ouais, sauf que le Parti québécois veut pas s'en mêler, là. Okay. Mais moi, je serais pour une catégorisation des biens de consommation. Ouais. Comme les couches, les vêtements et les aliments non traités. Taxe pas les couches, toi! Il n'y a pas de taxe. Non, ça, je suis d'accord avec ça. Ne pas taxer ça parce que t'as pas le choix à un moment donné. C'est, va te chicaner, là, cher. François Landry. Non, mais ça coûte cher. Non, je sais, c'est quoi les couches. J'en porte. C'est ça, j'en porte. Ou je vais en porter prochainement. Est-ce que tu penses que ça pourrait être une idée d'avoir des pourcentages à la place? Non, il me semble que tout le monde devrait payer un certain pourcentage, comme, tu sais, ça devient plus gros quand t'as plus d'argent. Ben, en principe, l'impôt s'est fait là-dessus. Ouais. L'impôt, il y avait 3 paliers d'imposition, maintenant, ils sont rendus à 5 paliers. Okay. Donc, plus t'es riche, plus tu payes d'impôts. Fort pourcentage. Pour les plus fortunés, 150 000 $ et plus de revenus, ça va augmenter à 49,97% d'impôts. Donc, le seuil psychologique, c'est 50%. Ouais. Mais encore là, le gouvernement Marois, dans son programme électoral, on dit on monte ça à 55%. Oui. De 7 points. Ils l'ont augmenté de 1,75. Wouhou! Je suis excité. Pour les taxes, la TVQ, le TPS, pour les billets de consommation, ça, c'est tout le monde. Tu payes un disque ou tu payes une Lamborghini, tu payes le même pourcentage de TPS TVQ. Ouais, mais par contre, il y a en Europe, c'est de plus en plus populaire, la taxe sur les... comment t'appelles ça? C'est sur la valeur rejetée, la TVA. Les autres, TVA, c'est un poste de télé. Les autres, c'est une taxe de valeur ajoutée. Donc, quand tu payes un CD, tu payes une taxe normale de base pour tout le monde, puisque c'est accessible pour pratiquement tout le monde. Mais quand tu payes une grosse cabane de 300 000 $ ou quand tu payes un manteau de fourrure ou un diamant ou toutes des choses qui sont futiles pour la quotidienneté, là, tu payes des taxes. Là, ça veut dire, si tu le veux, ton diamant à 14 000 carats, je sais pas trop comment ça marche, t'es supposé être en moyen. paye la. C'est ça. Pour toi, si 10 000 piastres, c'est rien, mais 12 000 sera rien. C'est ça. Plus, 10 000 piastres, moi, ça me prend 3-4 mais... mois à gagner. Mais plus que ça. Mais si tu payes absolument pas le loyer, c'est pas ça. De. Ah, c'est ça. Mais par contre, pour quelqu'un d'autre, c'est, il cligne des yeux puis il vient de faire 10 000 piastres à la bourse. Ouais. On s'entend que l'effort n'est pas là. C'est donc, ça, c'est en Europe, c'est de plus en plus répandu. On en parle avec beaucoup de peu d'enthousiasme au Québec. Puis ça, c'est encore une autre taxe, puis encore les riches, puis au Québec, il n'y a pas de encore riches. Encore les riches, encore, hein, pauvres riches. Ils font moi, petit. Ouais. Moi, ce que j'aimerais pour peut-être aider un peu la classe moyenne, moi, là, payer des taxes sur un véhicule usagé que déjà, en fait, que l'acheteur principal a déjà payé des taxes à sa valeur neuve, je trouve ça complètement stupide. Mm. Ça serait peut-être un moyen, effectivement, d'encourager aussi l'achat de véhicules usagés. Écoute, c'est sûr qu'on on reste dans l'usager. Ou mais... tu payes une taxe, mais moindre, pour ne pas dire que le char est gratuit. Ils ont déjà été payés, les taxes. Oui, ils ont déjà été payés. Moi, ça vient me chercher là, assez profondément. Assez. Ouais, je trouve ça... En tout cas, particulier. Ça, déjà, écoute, ça serait un bon point. Tu sais, on s'entend que si, écoute, t'as les moyens de t'acheter un char neuf, tant mieux pour toi, tu payes des taxes. T'sais. Ah, ben, c'est comme les maisons. Je suis l'heureux propriétaire d'une maison. Par chance, où j'habite, les taxes foncières, les taxes municipales baissent parce qu'il y a beaucoup de touristes. Donc, ils font en sorte qu'il y a ça, c'est de le fun. Ça, c'est le fun. Ça a baissé d'une cent cette année, je suis content. Une cent? Une cent, ouais. Au moins, on l'a baissé. Ah, on l'a pas monté. Mais par contre... C'est comme rester en bas de la barre des 50%. C'est ça. Mais par contre, dans d'autres villages autour, les municipalités qui recherchent beaucoup d'argent disent « OK, ta maison... » Elle a une valeur de 60 000 $ mais claquement de noix, elle vient d'augmenter à 120 000 $ C'est sûr. La valeur de la maison. C'est sûr. J'ai juste mis une couche de peinture dessus, là, juste rafraîchi, mais à double de prix, donc les taxes municipales vont avec. Ça, c'est une autre chose que moi, Exactement. Par contre, si tu veux la vendre, écoute, tu vas pouvoir la vendre plus cher. Si, seulement si. Parce qu'il y en a plein de maisons proches de chez nous que ça fait 3-4 ans qu'ils sont à vendre. Ça marche pas fort, parce que des 180 000 piastres, quand t'as même pas de système d'aqueduc, ça te tente pas d'acheter non. Moi, je l'ai acheté parce que je suis coco. T'avais l'occasion de la vendre à la radio, puis tu parles de ton aqueduc, là, t'sais. Ouais, c'est t'aurais ça. T'aurais pu pas le dire, puis tu l'aurais peut-être vendu ce matin. Non, ben, je veux pas la vendre, la mienne, là. Ah. Wow. Je suis en train de la retaper, là. Wow! Donc, oui, tous ceux qui sont pauvres ou riches, c'est les mieux nantis pour revenir à la taxe santé, la contribution santé, pardon, la taxe du consensus. Ça va grimper de 200 à 1000 $ tout dépendamment de quel braquette vous vous situez. Donc, à partir de 130 000 $ et plus, tu payes la totalité. Donc, c'est 999 $. C'est même pas 1000? C'est pas 1000, c'est 999. T'économises. C'est niaiseux. Ouais, c'est psychologique. C'est psychologique, tu payes pas 1000 $. C'est comme ta taxe de scène qui a baissé. Une scène? Ben, j'ai baissé. T'as baissé. Bon sens. Oui. Puis, on dit, ah, ça va être cher, ça va coûter cher. Non, en Ontario et en Colombie-Britannique aussi, les riches payent une taxe santé similaire à celle du Québec, 2000 $ de 999 $. Donc, on imite enfin l'Ontario. Mais enfin, écoute... Les idoles. Ah oui. Ouais, c'est sûr. Je suis pas sûr que ça soit une bonne chose de se comparer parce que ceux qui étaient pour la hausse en fait de la scolarité vont dire qu'en Ontario, en fait, les frais de scolarité étaient plus élevés. Ouais, l'endettement aussi. Oh ouais, non, c'est ça, exactement. Mais tu sais, se comparer, c'est... Non, ben on dit toujours, en Ontario, ils ont les frais augmentés. Ben, nos taxes aussi, ce serait le fun que tu sois pareil comme en Ontario, nos impôts aussi. Ouais, c'est ça, c'est donc, ça. Arrêtez d'avoir des exemples broche à foin. Avec la hausse de la taxe, le gouvernement Marois réalise 40% de ses promesses électorales en termes de fiscalité. Combien? 40%? 40% seulement. Okay. Parce que l'abolition complète de la taxe représentait une perte de revenus pour l'État de 1 milliard de dollars. Ah, c'est énorme quand tu sais que... Il voulait récupérer par la hausse des impôts des contribuables qui gagnaient 130 000 $ et plus. Ils l'ont fait. Ça rapporte 600 millions. Donc, hausser les deux... Il reste 400 millions à aller chercher. C'est ça. Il reste 400 millions à aller chercher. Mais il voulait aller le chercher par le gain en capital. Tu sais, vous vous en souvenez, le gain en capital, ça a fait une petite controverse. Ça me touche moins parce qu'on n'est pas assez riche pour avoir... Non, mais un jour ou l'autre dans ta vie, ça te touche quand même. Parce que t'as un chalet de chasse, Mathieu, dans le fin fond du lac Saint-Rhin. Tu me connais. Ah oui, tout à fait. Toi, puis la chasse, ça ne fait qu'un. Trois. Avec ton iPod, là, tu chasses Duck Hunt. Ah, cool, il y a ça sur l'iPhone. Sûrement, ça doit exister. Mais tu t'en vas là-bas, tu dis à un moment donné, j'ai un iPhone 5 à cette heure, je reviens à Trois-Rivières, je peux jouer à distance, je vais vendre mon chalet. Je le vends 100 000 $, mais c'est 100 000 $ cash dans tes poches. Ouais. Mais non. Non. Avec le gant capital, ça, c'est un gars que t'as fait. Non pas sur une résidence, parce qu'une résidence, c'est pas un gars. Ta résidence principale. Résidence principale. Ça, c'est pas imposable. Ton chalet, t'étais supposé de payer quasiment 50% de taxes sur le revenu que la vente te permet. Aïe. Donc, tu vas ça 100 000 $ il aurait fallu que tu payes 50 000 $ en impôts, en taxes. C'est hallucinant, là. Au gouvernement. Ça aucun sens. Sauf que c'était rétroactif. Donc, tu l'as vendu le 1er janvier passé. Donc, 50 000 $ Tu l'as plus l'argent de le dépenser en vêtements et en futilité. Là, selon Nicolas Marceau, à partir du 4 septembre, c'était non. T'as vendu ça le 1er janvier passé. Tu trouves l'argent. C'est 50 000 $ T'as moins ça. T'as moins ça. Je l'ai dépensé. Ah, t'as fait des voyages, n'importe quoi. Ah, c'était pour la retraite. Sauf que ça, c'était vraiment ridicule. C'était de l'improvisation piquiste. C'est pas nécessairement pour les riches, cette situation-là. Non, c'est n'importe qui. Et souvent, c'est le seul moment dans ta vie où t'as quand même un bon montant. C'est un bon laine. Tu sais, comme mon père, il y a un bloc appartement à lui. C'est pas rentable parce que c'est sa mère qui vit là, puis mon frère aussi. Donc, j'expliquerai pas ma famille. Bref. Mais c'est un héritage qu'il y a eu. Oui. Donc, lui, quand il dit quand ma mère va partir, je vais vendre le bloc. Ça, c'est il clair. Il va vendre. Puis c'est normal. Il va vendre, en fait. C'est un gain en capital. C'est comme son fonds de pension. Exactement. Tu touches pas à ça. C'est clair que je m'en vais en Floride avec ça. Là. Tu touches pas à ça. Écoute, il fait ce qu'il veut. Là. Oui. Sauf qu'avec le gain en capital qui était supposément imposable, il aurait fallu qu'il paye près de la moitié. Donc, ça, c'était vraiment ridicule. C'était là, un bottleneck. C'est comme un REER, mais non palpable. Là. Et ça, ils l'ont aboli. Oui, ça, ils ont dit, on touche pas à ça, le rétroactif. On va revoir nos calculs. On va revenir à la charge plus tard. Mais juste le rétroactif, donc, pour vendre le futur, ouais, c'est ça. Bientôt, ça pourrait. Okay. Ben, ça peut changer tout le temps. Non, ben, ça sera plus rétroactif. Ouais. Donc, si tu vends aujourd'hui, si tu as vendu hier, tu es correct pour cette année. Okay. L'an prochain, par contre, on verra. Ça risque peut-être de changer. C'est ça, exactement. Aussi, les impôts qui vont. Le taux d'imposition marginal, qu'appellent les contribuables, qui gagnent 100 000 $ et plus, passe de 25.75%. C'est une augmentation de 1.75, comme j'en parlais tantôt. Et ça va rapporter 322 millions. De plus. On tombe à 922. Ouais, faut pas calculer de même parce que c'est des colonnes différentes. Okay. Mais grosso modo, c'est 300 millions de plus dans les poches. Et en Ontario, on parlait du taux d'imposition, c'est de 49.05% d'impôt, le maximum que tu payes. Au Québec, c'est maintenant 49.97%. Donc oui, sur Québec, on paye le plus d'impôts au Québec, mais pour les riches seulement. Ouais, c'est ça, faut pour tout le monde. T'as les moyens, là. Puis, c'est ça, la proposition d'origine du PQ, c'était de faire passer ça à 55%. Mais là, ils ont dit, il y a une pression. Mais j'avoue que, tu sais, dépasser 50%. Ben, c'est un seuil psychologique, oui. Ben oui. Mais c'est le milieu des affaires qui s'est plaint, et les mieux nantis aussi qui se sont plaints, qui ont dit, on va quitter le Québec, on va s'exiler, blablabla. C'est un chalet, là. Ah oui, mais il y a beaucoup de manières d'éviter de payer des impôts, des taxes, des évasions. Donc, juste pour revenir sur mon petit tableau pour finir, je sais que le temps file. Ceux qui gagnent maintenant moins de 18 000 $ par année, aucune contribution santé. Donc, t'en payes pas. Et au Québec, nous sommes, vous êtes, parce que je suis pas dans cette catégorie-là, moins de 18 000. Vous êtes 2 100 000 à gagner 18 000 et moins. Donc, pas de contribution. Pas de contribution santé. De 18 000 à 20 000 $ vous êtes seulement 275 000. Donc, vous allez payer de 1 à 99 $ En fonction de tes revenus? En fonction de tes revenus. De 20 000 à 40 000, c'est là-dedans que je me situe. Je vais payer, vous autres aussi, j'imagine. Ouais. Comment vous calculez. On va s'inclure là-dedans pour le plaisir. Mettons, de dire qu'on est riche. Okay? On paye 100 piastres. Vous allez payer 100 piastres. On est près de 2 millions dans cette catégorie-là. Donc, c'est la grosse frange de la classe moyenne est là. Ensuite, de 40 000 à 42 000, de 101 $ à 199 $ il y a seulement 144 000 personnes. Et de 42 000 à 130 000, c'est 200 $ Donc, le 200 pièces qu'on paye actuellement, ce sera maintenant pour ceux qui gagnent 42 000 à 130 000 $ Donc là, encore là, il y a près de 2 millions de personnes qui sont là-dedans. Quand même, hein? Quand même. C'est beaucoup. Ça en a beaucoup. Donc, c'est eux autres qu'on catégorise classe riche. Parce que maintenant, au Québec, être riche, c'est 42 000 et plus. Classe moyenne... Une grosse marge entre 42 000 et l'autre 130 000, c'est plus du double. Là, ouais. Ça fait mal. Et de 130 000 à 150 000, c'est 999 $ Et 150 000 $ et plus, c'est le fameux 1 000 $ Mais il y a seulement 84 000 personnes qui gagnent 150 000 $ Peanuts, ça, 1 000 piastres pour ça. C'est ça, tu sais, tu dis, bon, ben, à soir, je me prends pas une bouteille de vin, puis j'ai pas 1 000 piastres. Je vais pas être méchant, là, mais... Combien ça dit qu'il y avait de monde dans cette catégorie? Non, 84 000. C'est sûr, mais quand tu penses que les gens qui gagnent de 0 à 130 000 $ en fait, payent ce qu'ils devaient payer, soit 200 ou moins, et ou moins, en fait... C'est pas si pire. Non, c'est ça. Il me semble. Elle me dérange, moi. Elle te dérange, ouais, elle a l'air à chicoter. Oui, parce que les impôts servent à ça. Là, c'est une taxe de plus pour la santé. Je suis prêt à payer pour le réseau public. Ça, oui. Mais c'est ce qu'on fait. Okay. Oui, oui. Il y avait déjà une part des impôts qui allait déjà pour ça. Ah oui, okay, puis il y a même autre chose, Mathieu, ça s'appelle le Fonds de services de santé, qui est le FSS, qui est une taxe... Des employeurs. Des employeurs, exactement, sur leur marge, sur la masse salariale des employés. Oui. Donc, une PME qui a... j'ai plus les chiffres exacts, parce que là, vous me prenez à court demain. 50 employés et plus, et qui a une masse salariale de 2 millions de dollars et plus, paye 0.01% de taxes qui s'en vont directement à la santé et aux services sociaux. Ça rapporte des milliards par année, Mathieu. Oui. Puis là, nous autres, on nous demande 200 piastres de plus contribuer à ça. Chaque. T'sais. C'est ça qui me dérange. Beaucoup c'est de monde, ça. Là, ça, fois 200, ça. Moins que ça ou plus. Mais... C'est ça. Mais... C'est sûr, je comprends amplement ton point de vue. Mais quand tu penses que le gouvernement avant, lui, c'était 2 cents... Oui, que, ça, c'était totalement absurde. T'sais, c'est un pas dans la bonne direction, c'est ça, mais exactement. Comme je dis, on avance en arrière. Ouais. Mais c'est fun de savoir concrètement qu'est-ce que cet argent-là va vraiment apporter. T'sais. Oui, ben, écoute, c'est, dans le vrai monde, là. T'sais, ça rapporte 1 milliard, en principe. Ouais, mais qu'est-ce que ça va donner, dollars. 1 milliard? Ouais, c'est ça. Ben, de rétablir l'équilibre budgétaire, en fait. ça ben, écoute, ça sert un peu à ça, là. En théorie. Ah, ouais, gagerie, là. En théorie. Ouais, en théorie, c'est fait pour ça. Ouais. C'est parce qu'à un moment donné, c'est ça. Ouais. Écoute, le gouvernement est là pour gouverner pour le bien du public. Gagerie encore. Ouais. C'est sûr, il est là pour gouverner, point. Mais tout ça pour dire que c'est le gouvernement péquiste. Je vais lui donner des cours de tango. Hein, c'est 2 pas en avant, 1 pas en arrière. On avance, on recule. Il fait, au moins, il fait pas de surplace comme le précédent. Mais quand, à force de danser, on se lasse. Danse lascive. C'est ça? Non. Ouais, le premier était bon, pas le deuxième. Mets le doigt devant, mets le doigt derrière. Ça, c'est la danse ça, d'Hélène. C'est, ça, c'est où Anne-Julie Durocher, avec son index. Son index, mets oui. Mets le doigt devant. Oui, oui. C'est ça. Oui, elle a une chronique qui s'appelle. Voilà. Donc, François Mandry, merci. Oui. Ah, fait plaisir. À jeudi prochain, 8h30. Ouais. Pour l'Ogocratie 101. Ouais. Oh, super. Ouais. Moi, je te charge rien, même pas de taxes pour ça. Ben, c'est gratuit, c'est gratuit. Pourrait, ce les chroniqueurs pourraient nous payer. Ben. Nouveau concept. Ben, écoute. Je vais sortir mes casseroles. Devant la porte. Super. Good. Hey, merci beaucoup. Ouais. Très intéressant. Merci. Nous, on va terminer l'émission et la semaine, on va se retrouver lundi entre 7h et 9h. Lundi matin, on aura la Véronique Mire. Véronique Mire, oui, et du bureau de la réussite étudiante. On l'a dit en même temps. On continue ça ensemble? Attends un peu. On a aussi Sébastien Dulude et sa chronique Va voir ailleurs, je suis. Ouais, c'est ça. Continue, je ne sais pas dans quel sens il s'en va aujourd'hui. Ça va être une surprise, cette affaire-là. Surprise. Parfait. Et Alexandra Carignan. Oui, exactement. Dans le spectacle. Oui, tout à fait. C'est ça? Bon, c'est lundi, ça? Oui, c'est lundi. 7h à 9h. Est-ce qu'on parle de ce qui s'en vient plus tard aujourd'hui? Non. Non? Entre 11h et 13h, ce sera Danny Janvier, son émission Le Dîner de con. Ça va être très bon. Ils vont goûter à une bière de la barrique aujourd'hui. Ensuite, à 15h, je serai de retour seul pour animer les palmarès C'est fou jusqu'à 18h. À 18h, c'est la nouvelle émission de Mathieu Roy. Soirée au coin du feu avec des discussions sur la vie étudiante. Ça débute ce soir. Ensuite, de l'électronique à 19h avec 13e étage et à 21h, électro-tactile avec Lisa Gauthier. Excellente émission. Si vous l'avez raté, en passant, ça rejoue le mercredi. Ça, c'est 2 chances de l'écouter. C'est encore meilleur quand tu l'écoutes 2 fois. Ça, c'est vrai. Tu t'attrapes comme plein de blagues et de choses. C'est comme les bonus d'un DVD. Les bonus. Bonus d'un DVD. C'est ça. Puis on se quitte avec la chronique de Régisseurie numéro 2 de Sadako. Oui, c'est d'accord. On se rappelle, aujourd'hui, on apprend quoi mettre dans quelle poche du sac à dos. Pour que le poids soit vraiment stable. L'univers de Sadako par M. Régis Ollery.